Le plan de cette semaine à Assemblage Requis. On parle des sorties d'albums de cette semaine. Émilie enlève ses petits trous d'en arrière dans sa chronique plein air. J'ai mon plat favori de la semaine. Et c'est à Assemblage Requis tout de suite. C'est le rêve que tout le monde donne au moins une fois dans sa vie, que tu vas à l'école en boxeur ou quelque chose du genre. Ou tout nu, hein? Ouais, ou tout nu. Mais c'est le genre de choses, on dirait, qui pourrait m'arriver aujourd'hui. Pourquoi? J'oublie tout partout. Si ma tête n'était pas vissée après mon coup... Tu l'oublierais. Je l'oublierais. Dommage, hein? C'est vraiment une journée spéciale, je trouve, aujourd'hui. C'est vraiment bizarre comme journée. Comment ça? J'ai l'impression que c'est ma première journée d'école. Ben oui, hein? On dirait que ça fait tellement longtemps que je suis pas venue en studio que c'est tout frais. C'est ça, on n'était pas là la semaine passée, nous deux. C'était un best-of. L'autre semaine d'avant, tu n'étais pas là. Non, je travaillais, je ne pouvais pas venir. Et là, ben, nous voilà de retour en direct en ce merveilleux jeudi. Yes! 5 août 2010. Yep! Et on va commencer ça en force avec une chanson de OK Go. Pas de leur dernier album, de l'album Oh No. Oh No! On écoute tout de suite la pièce... Let It Rain, c'est un hommage à la période de cette semaine qu'on a. Tu sais qu'il va y avoir de la pluie, il va y avoir de la pluie. Oh, il n'y a pas de pluie finalement. Il va y avoir des éclairs. Il n'y aura pas d'éclairs finalement. Ouais. Météo média, hein. On peut jamais se fier. Vous écoutez Assemblage Requis, c'est fou, 89.1. Parking lot, self-sustaining system. back to be done it. Assemblage requis avec Mathieu Plante à C'est fou 89. Looking back, he nearly gave himself a head full of holes. Looking back, he nearly gave himself a head full of holes. Looking from me. function wrong. Vous écoutez toujours Assemblage requis en compagnie de Mathieu et Stéphanie. On vient d'entendre l'excellente pièce What is Rational de Hot Hot Heat, un groupe qu'on adore. Et sérieusement, si vous l'avez seulement écouté une fois, réécoutez-le. C'est long avant de s'habituer, je trouve. Oui, vraiment, parce qu'il est assez spécial cet album-là, mais ça vaut tellement la peine. Après quelques écoutes, on tombe en amour. 3-4. Ouais, 3-4. Mais après ça, t'es vraiment en amour. Ah, tellement. Mmh. Et maintenant, c'est le temps. De. C'est un fait. C'est un fait! Je vais juste répéter ce que tu dis. Hein. T'es tellement pas drôle, Mathieu. OK. Donc, c'est un fait, c'est la chronique des choses véridiques, véritables et vérifiables. Donc, les choses qui se trouvent sur Internet en quelque part. Et là, tu te dis, ben, crime, si c'est sur Internet, je sais que c'est vrai. C'est hein? Certain. Et voilà. Donc, commençons avec un fait très divertissant. D'autres titres pour le film et le livre, Alice au Pays des Merveilles, au départ, c'était soit Alice's Hour in Elfland. Donc, Alice au pays des... comment t'appelles ça? Des... pas des fées, des elfes. Le nom est dur à... Ouais. C'est comme à Noël, les petits lutins. Lutins, lutins, c'est bon, ça. Bon, Caroline. Ou encore Alice parmi les gobelins. Les gobelins. Yeah. Eh bien. David Filo et Jerry Yang ont créé le site Jerry and David's Guide to the World Wide Web avant de changer de nom pour Yahoo! Point d'exclamation. Savais-tu que le nom complet de Miss Piggy, c'est Miss Piggy Lee? Non. Peggy Lee. C'est vrai. Dans les années 70, Mattel a sorti une poupée qui s'appelait Growing Up Skipper. Ses seins grossissaient quand on tournait son bras. On tournait son bras comme une manivelle. Les seins... Hein? Arc! Fun, hein? Mm-hmm. Troublant. Des heures de plaisir. Billy Crystal a dit non à la voix de Buzz Lightyear pour Histoire de jouets, Toy Story. Il a dit que c'est le seul rôle de sa carrière qu'il regrette ne pas avoir pris. Ça aurait été Billy Crystal, Buzz Lightyear. C'était Buzz Lightyear, c'était Tim Allen. Tim Allen. Le mot boycotter, ça vient du nom de Charles C. Boycott, qui était un propriétaire, on dit britannique, mais qui hébergeait des Irlandais. Donc, disons qu'il chargeait cher pour ses loyers, et ça a mené la région au complet à, dans le fond, le boycotter, comme on dit aujourd'hui, d'arrêter de lui vendre des biens de base, la nourriture, des trucs comme ça. Ils l'ont banni, ils l'ont boycotté. Mm-hmm. George Orwell, tu le connais, c'est l'auteur de 1984, le livre avec Big Brother, tu sais, Big Brother. Ça a commencé par là, en tout cas. George, c'était un pseudonyme. Son vrai nom était Eric Arthur Blair. Savais-tu que le Kool-Aid, au début, son nom, c'était Fruit Smack? Kool-Aid, ça sonne mieux. Cool, ben oui. Un coup de poing de fruit, tu sais. Fruit Smack. Non? Christopher Nolan, tu connais le gars là, qui fait des films, là. Son nouveau film, Inception. Oui, qui vient de sortir. À ce qui paraît, c'est super bon. C'est ce qu'ils disent. Donc, disons qu'il a donné l'idée de son film au studio de cinéma il y a 9 ans. Et il a dû mettre ce film-là de côté pendant qu'il faisait Batman Begins, The Prestige et The Dark Knight. Donc, ça fait 9 ans qu'il a donné cette idée-là aux compagnies de cinéma. Pitcher, comme quand tu suggères l'idée là, pour le faire. Ça a pris du temps. Et pourtant, là, si je me trompe pas, c'est vraiment assez populaire comme film. Un succès... Succès au box-office. Insoupçonné. Ah! Je sais pas. Un couple sur 8 qui se sont mariés aux États-Unis en 2009 se sont rencontrés via des médias sociaux, tu sais, ce qu'on appelle Facebook, Twitter, etc. Non seulement ça, mais les médias sociaux ont surpassé la pornographie comme activité numéro 1 sur le web. Mm-hmm. Par médias sociaux, ils parlent de Facebook, les blogs, des sites de partage de photos et de vidéos. Et quand même, un couple sur 8 qui se sont mariés en 2009. Regina Road ou Regina, dépendant. Regina. Disons Regina. Regina. Uh-huh. A survécu au massacre de Columbine et au massacre de Virginia Tech. Oui, Regina était une étudiante de 15 ans à Columbine High School quand ses collègues étudiants Dylan Klebold et Eric Harris ont tiré sur un paquet de gens, tuant 12 étudiants et un professeur. Elle était dans la cafétéria à l'école quand la fusillade a eu lieu et puis elle s'est enfuie. 8 ans plus tard, Regina était étudiante à Virginia Tech alors qu'évidemment il y a eu une autre fusillade. Heureusement, cette fois-ci, elle n'était pas encore rendue à l'école. Elle n'était pas encore rendue sur le campus quand la fusillade a eu lieu. Elle okay. étudiait à la même place. Fait qu'elle n'a pas évité la fusillade, mais oui. Par hasard total. Aïe, aïe, hein? Elle a bien prévu ses cours à l'automne. Ouais. Prenez exemple. En 1988, Tom Cruise est devenu le premier acteur à avoir la distinction d'être la vedette du film gagnant d'un meilleur Oscar pour meilleur film, Rain Man, de cette année-là, 88. Et la même année, le Razzie pour le pire film, Cocktail. Dans la même année, 88, meilleur film et pire film, Tom Cruise. Cocktail, ça me dit rien en plus. C'est pas passé l'histoire, peut-être. Hein? Non, vraiment pas. Moi, je suis pas un fan de cinéma. Je sais pas non plus. Le nom de la planète Pluton a été inventé par une fille de 11 ans, Venetia Burney, de Oxford, en Angleterre, a nommé cette planète qui a nouvellement été découverte en 1930. Le nom vient de Pluto, le dieu romain, là, et non pas le chien de Mickey Mouse, Pluto. Ah, c'est ce que ça dit. Ça dit que ça n'a rien à voir avec le dessin animé. Savais-tu que la reine Elisabeth II est reine de 16 différents pays? Je sais même pas pourquoi. Hein? Non. J'avoue mon ignorance. Elle est la reine du Royaume-Uni, du Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, Jamaïque, Barbade, Bahamas, Grenade, Papouasie-Nouvelle-Guinée, les îles Solomon, Tuvalu, Saint-Lucia, Saint-Vincent et les Grenadines, Belize, Antigua, Barbuda. Je connais pas les noms en français. Saint Kitts et Nevis. Ça fait de la job, hein? Oui, surtout les prononcer. Aussi. Et voilà. Quand tu avales une gomme, ça ne prend pas 7 ans avant de la digérer. Non, parce qu'il y a des gens qui disent que c'était la rumeur, c'est comme un genre de mythe, que ça prend 7 ans. Non, c'est un mythe, c'est vrai. Quand on dit que la gomme n'est pas digestible, ça ne veut pas dire qu'elle ne reste pas dans ton corps pour toujours. Ça veut juste dire qu'elle ne se défait pas en morceaux quand tu la mâches dans ta bouche et qu'elle passe à travers ton système digestif. Il ne va rien t'arriver de mal, apparemment, si tu avales ta gomme. Ça ressort de l'autre côté. C'est juste qu'elle va être pas mal pareil comme quand elle est rentrée. Fun, hein? C'est vraiment le fun à savoir. Merci, Mathieu. Ben, pour ça me fait plaisir. C'est vraiment le fun de savoir ça. Plaisir. On a parlé de Yahoo tantôt. Si tu appuies, si tu vas sur yahoo.com, oui. Je pense qu'il faut que tu le fasses plusieurs fois. Là. Allez, va sur yahoo.com plusieurs fois parce que sinon, il va t'amener à la version canadienne. Là. Tu refais yahoo.com, à un moment donné, il va y avoir une petite barre en haut. Voulez-vous aller à la version américaine? Et là, si tu cliques sur le point d'exclamation de Yahoo US, ça chante Yahoo. C'est fun, hein? Essayez-le. Je vous le fais même pas entendre. Essayez-le. Tu sais, le son du couteau dans la célèbre scène de douche là, dans Psycho, Psychose. Ouais, Psycho. Ouais, savais-tu c'était fait avec quoi, ce son-là? Je l'ai su, j'ai déjà lu sur Wikipédia, ouais. Mais je m'en rappelle plus. C'est un couteau dans un melon. Ah oui, c'est ça. Ben oui. Et puis, le sang dans cette scène-là était du sirop de chocolat. Parce que le film était en noir et blanc, donc ouais. Ça faisait une plus belle teinte, c'est le fun. Ça a pris 7 jours pour filmer cette scène-là, même si elle dure que 45 secondes dans le film, nous dit-on. Et honnêtement, après avoir lu tellement de choses sur ce film-là, quand j'ai vu la scène, déception. Déception totale. J'en reviens pas pourquoi c'est une scène qui est passée à l'histoire. Ouais. Tes attentes, t'es trop... t'as trop vu d'affaires. Il s'est passé trop d'affaires depuis ce temps-là. Ouais, c'est ça. Son pire, hein. Ouais. Ça, peut-être dans ce temps-là, ça devait être vraiment quelque chose, mais là, on s'entend qu'on voit vraiment pire. Ouais, c'est ça. Puis on le voit venir aussi, là. Oh. On sait que ça s'en vient à un moment. Les ninjas. Est-ce que t'aimes les ninjas? Est-ce que t'es ninja ou pirate, toi? Ni un ni l'autre, ça se peut-tu? Ah, ben non, faut choisir entre ninja et pirate. Pirate. Juste parce que Johnny Depp, c'est un pirate. Bon, en tout cas, moi, c'est ninja, clairement, parce que, tu sais, furtif. Hein? Bon. Donc, même si les ninjas dans la culture populaire portent du noir, on dit qu'il n'y a aucune évidence que les ninjas, à travers l'histoire, portaient du noir. C'est plus probable qu'ils se déguisaient en civil pour pouvoir se mélanger, avoir l'air bien normaux dans une foule. Des ninjas, on dit qu'ils étaient furtifs. Comme j'ai dit tantôt, furtif, le mot furtif, c'est toujours un très, très beau mot à utiliser. Donc, les dessins des ninjas, il y a des années, ils les mettaient en noir pour donner comme un sens d'invisibilité dans les dessins. C'est peut-être pour ça qu'ils sont devenus noirs avec le temps. Mm-hmm. Et on nous dit que 250 000 oiseaux sont tués aux États-Unis à chaque jour après avoir foncé dans une fenêtre ou dans de la vitre. Cool. Cool. Est-ce que je vais finir avec un dernier parce que je sais que tu vas l'aimer celui-là. Je trouve ça vraiment très intéressant. On nous dit sur omg-facts.com que certains hommes ne se rasent que le côté gauche de la face parce qu'ils savent pas qu'ils ont un côté droit. Tu vas me dire, c'est bizarre. Ok, c'est vraiment louche. C'est une condition qui s'appelle en anglais hemispatial neglect, donc on pourrait dire négligence hémispatiale, qui fait que les gens voient, ressentent et ne sentent, dans le fond, seulement qu'un côté de leur corps et un côté du monde entier qu'ils voient. Bon. Donc, ça dit que ces gens-là peuvent aussi, par exemple, appliquer du maquillage seulement sur un côté de leur face et qu'ils ne savent pas, à cause de leur cerveau, il y a un mauvais branchement. Ils savent pas qu'ils ont un autre côté à leur visage. Mais combien de personnes, t'as dit? Ça dit des gens. Il n'y a pas de chiffre. Malheureusement. C'est vraiment bizarre. Eh oui. Il n'y a personne qui leur dit, c'est rase-toi l'autre bord de la face. J'imagine qu'à un moment donné, ils se le font dire, mais vu qu'ils peuvent pas le réaliser, je sais pas. Je sais pas si ça finit par changer. C'est vraiment spécial. Intriguant, pas mal. Ça s'appelle hemispatial neglect, négligence hémispatiale. Je voulais vous laisser les liens vers d'autres faits sur assemblagerequis.com dans l'émission du jeudi 5 août. Allez-y, assemblagerequis.com. Voilà, donc vous êtes toujours à Assemblage Requis, c'est l'émission estivale en pièces détachées. Plus tard à l'émission, qu'est-ce que Stéphanie nous réserve? Mon plat favori, ça fait longtemps que j'en ai pas fait un, mais là, il y en a un très bon qui s'en vient. Il y a aussi les spectacles, les albums de cette semaine. J'ai aussi parlé du spectacle de Billy Talent que je suis allée voir, ça fait quand même un bout de temps, mais bon, je suis pas revenue en Londres depuis. Et c'est ça. D'accord. C'est en masse. Ben, c'est assez. Et donné. Toi, Mathieu? Moi, je vais faire une chronique SNX tantôt sur des gadgets. Je vais aussi avoir les nouvelles entrées des palmarès C'est fou. On va entendre là-dedans, entre autres, du Xavier Caffeine, Korn et du 354 Bark plus tard. Cool. Mais pour l'instant, on va entendre une pièce dont on a créé un monstre. Ouais, on va aller écouter la pièce d'Orval. Assemblage requis sur C'est fou. 89 FM. Des corps que l'on discernait plutôt. Dérangeant, l'aéroport est bondé de gens embarrassés, comme un timbre qui s'apprête à être transporté. Toi, tu t'accroches au bout de mes lèvres, et si je savais dire les bons mots au bon moment, il est temps. À l'intérieur.

Black Rebel Motorcycle Club. Ouais, avec Beat the Devil's Tattoo. Je t'ai volé le mot, hein? Tout à fait. Ouais, c'est ça. Ça arrive, tu sais. Hey, sais-tu quoi? Ça me rappelle... Ça me rappelle pas du tout parce qu'on était absolument pas dans le sujet, mais ça me rappelle la course de la fibromyalgie qui a lieu samedi, le 7 août. Donc, oui. Aujourd'hui, si les gens écoutent la rediffusion du samedi, ça a lieu à l'intersection des rues Latreille et Lionel-Raux dans le secteur Cap-de-la-Madeleine. C'est la 8e édition de cette course-là pour la fibromyalgie. Oui, Sophie Tremblay-Marchand était venue en studio il y a quelques semaines pour nous en parler. Mm-hmm. Alors, soyez nombreux. Pour une bonne cause. Oui, absolument. Ouais. Maintenant, un petit peu plus tôt cet été, j'ai reçu Émilie Gauthier pour faire une chronique plein air. Veux-tu sortir avec moi? Et cette semaine, ça adonne qu'elle m'a parlé de vélo hybride, toi. Donc, Émilie, cette semaine, tu nous parles de vélo. Et ça, c'est une chose que j'ai déjà fait dans ma vie, surprenamment. Oui, je te jure, j'ai fait du vélo. C'était mon moyen de transport. Avant d'avoir une blonde avec un char. Puis là, il radio ton bicycle. Dans les toiles d'araignée d'enchaîne? Ouais, faudrait que je le lave. Ben justement, aujourd'hui, Mathieu, la chronique, ça va être pour toi. Je parle surtout des vélos hybrides, mais je parle un peu aussi de l'entretien à faire de son vélo. Donc, si tu veux, décide de le ressortir, là, tu vas savoir quoi faire. On peut donc s'imaginer que les produits ou les choses dont tu vas parler vont avoir être aussi disponibles sur le marché dans genre 5 ou 10 ans quand je vais décider de le laver. Je le souhaite. Donc, un vélo, moi, personnellement, un vélo, j'aime ça être capable de rouler tranquille en ville, mais j'aime ça être capable de sortir un petit peu des sentiers battus. Tu sais, il me semble juste un chemin de campagne en terre, là, c'est pas toujours doux. Donc, un vélo hybride, c'est ce qui est plus polyvalent présentement sur le marché. Ça dépend vraiment des besoins de chacun. Il y en a qui vont aller vraiment chercher plus un vélo tout-terrain. Donc, il y a d'autres qui en a qui vont juste faire de la ville. Mais le vélo hybride, c'est un compromis entre les deux. Idéalement, un vélo doit avoir deux qualités, légèreté et solidité. Plus un vélo va être léger et solide, plus il va être de qualité supérieure, mais donc plus cher. Il faut parfois sacrifier un peu soit de la légèreté, soit de la solidité pour avoir un prix qui va être plus raisonnable. Donc, on sacrifie un peu ce qui est plus important aux yeux de l'utilisateur. Si vous habitez un rez-de-chaussée, vous n'avez pas vraiment besoin qu'il soit léger parce que vous n'avez pas à le monter dans les marches ou quoi que ce soit. Donc, on va peut-être aller sacrifier un peu plus là-dessus. Donc, d'autres, si vous faites juste la ville, ça n'a pas nécessairement besoin d'être robuste et solide. Donc, ça dépend vraiment du type de terrain que vous faites le plus. Dans un cas comme un autre, c'est le choix du cadre qui va faire toute la différence. Il faut vraiment être certain qu'il va convenir que la hauteur du cadre correspond aux deux tiers de la longueur entre l'entrejambe et le sol, quand le cycliste est debout. Choisir un vélo à cadre triangulaire, c'est plus simple. Le cycliste tient le vélo debout entre ses jambes, puis il faut environ être séparé de 5 cm pour des raisons de sécurité entre l'entrejambe et le cadre. Et là, tu parles pas seulement de vélo pour les gars, c'est unisexe avec le triangle. Ben pour les femmes, il n'est pas fait de la même façon non plus, mais c'est on va aller chercher peut-être plus un 10 cm, mais une femme a tendance à être plus petite aussi, exception à la règle. Mais c'est environ 5 à 10 cm pour être certain de ne pas se blesser si on tombe ou quoi que ce soit. S'il faut faire un compromis, on est mieux d'opter pour un cadre un peu plus petit, puis d'aller ajuster le siège en conséquence, de le mettre un peu plus haut. C'est mieux qu'il ne soit pas trop grand non plus, parce que bonne chance pour embarquer dessus. Non, c'est pas un cheval non plus. Il y a les cadres haut de gamme en titane ou en carbone qui vont être légers et rigides, mais le prix est vraiment élevé. Donc, la plupart des cadres de vélo sont fabriqués en acier ou en aluminium. L'acier, c'est un matériau plus lourd, mais plus solide et plus facile à réparer aussi. Mais il est assez flexible, donc il va être plus confortable. Mais le plus en plus répandu, ça va être le cadre en aluminium qui est plus léger, plus rigide, moins solide que l'acier, par exemple. L'aluminium, il va se réparer moins aisément. Par contre, c'est devenu le matériel de référence chez les manufacturiers de vélos hybrides pour la légèreté. Pour maximiser le confort du vélo, autre composante, on a la selle ou le siège, que j'aime bien dire. C'est une première chose à considérer. Si un cycliste a l'habitude de circuler sur des courtes distances, on est mieux d'aller chercher une selle plus large avec une suspension à ressort. Parce que contrairement aux vélos de montagne ou des vélos de longue durée, le vélo hybride, il va forcer le cycliste à s'asseoir plus droit. qui va entraîner une fatigue des vertèbres plus rapide. Donc, on est mieux chercher un siège plus confortable. Plus un cycliste a tendance à parcourir des longues distances, plus on devrait opter pour une selle plus étroite pour faciliter la circulation sanguine des jambes et éviter d'être engourdi. C'est quand même un point important. Il y a les manettes de frein et les dérailleurs qui doivent être facilement accessibles et actionnables avec le pouce ou une poignée rotative. Il ne faut pas avoir à lâcher le guidon ou quoi que ce soit pour pouvoir ajuster ses vitesses. De plus en plus de vélos hybrides comprennent 21 ou 24 vitesses, un peu comme les vélos de montagne. Les pédales peuvent être munies de cale-pieds, de demi-boules dans lesquelles on peut rentrer notre pied pour être certain que ça rentre et que ça améliore la poussée. Idéalement, les roues du vélo doivent pouvoir se démonter facilement sans nécessiter l'usage d'une clé. Pour ça, c'est plus facile de réparer une crevaison ou de cadenasser son vélo en ville. Enfin, je dirais que le test ultime, c'est de l'essayer. Donc, il y en a qui permettent en magasin de l'essayer, même certains magasins qui vont dehors avec vous l'essayer. C'est vraiment comme un sleeping bag, je l'avais dit. On se couche dedans, on voit si ça marche. Même chose pour le vélo, on s'assied dessus, on se promène un peu. Ça marche-tu? Oui, good. Si ça marche pas, ça marche pas. Ça me semble que c'est comme quand t'achètes un auto, c'est normal d'aller l'essayer sur la route, là. Tu sais, un sac de couchage, bon, c'est sûr que t'iras pas l'essayer dans le bois, mais tu sais, ton vélo sur l'asphalte ou la surface que tu vas utiliser, c'est logique. Bon point. Parce que c'est quand même quelque chose sur lequel tu peux faire des longues distances. Faut que tu sois sûr de ton choix, puis c'est quand même un investissement. Donc, à ces prix-là, on veut être certain de qu'est-ce qu'on fait. Avant de partir de la boutique, il faut effectuer des réglages de base, être sûr que le siège est bien ajusté. Que la tige qui tient le guidon, les poignées sont bien ajustées. Pour déterminer la hauteur du siège, les cyclistes doivent s'asseoir sur le vélo, tenir une jambe bien droite, le talon appuyé sur une pédale. Lorsqu'il est dans sa position la plus basse, donc on sait que c'est la bonne hauteur. Vérifiez régulièrement aussi la pression des pneus afin d'éviter d'avoir des mauvaises surprises. Pas assez gonflés vont ralentir le vélo. Trop gonflé, ça va user prématurément au milieu de la roue, donc c'est pas ça qu'on cherche non plus. Même si le port du casque n'est pas obligatoire, c'est fortement recommandé pour des raisons évidentes de protection. De nos jours, il semble que moi, dans mon temps, les casques vélo, c'était laid, gros et lourd, mais vraiment, c'est vraiment rendu plus solide, léger, puis beaucoup mieux ventilé qu'il y a une dizaine d'années. Il y a une petite trousse d'outils comprenant un minimum de clés, de quelque chose pour réparer une crevaison qui s'attache bien aussi en arrière de la selle, ça prend pas de place. Puis c'est quand même intéressant de savoir qu'on peut se dépanner, même pris dans le fin fond du bois. Entretien pour toi, Mathieu. Nettoyer et lubrifier régulièrement la chaîne, ce que tu n'as pas fait depuis environ 10 ans. Vérifier à l'occasion que les câbles de frein, les dérailleurs sont bien ajustés. Si le métal tend à s'étendre un peu, ce qui va ramollir la puissance du freinage, dérégler tes vitesses. Si c'est rouillé, ben on change le tout. C'est juste pour la sécurité. T'sais, si tes freins ne marchent plus, ben t'es un peu dans... S'assurer aussi que les sabots de frein, qu'est-ce qui va venir ralentir ta roue, n'ont pas un degré d'usure qui met en péril le cycliste dans des pentes abruptes. Si ton frein lâche dans une pente, t'es encore dans la boîte. De temps en temps, resserrer les vis, les boulons qui vont avoir tendance à se desserrer sous la vibration du roulement. Puis, effectuer une mise au point de façon régulière sur un utilisateur par vous-même où il y a beaucoup de magasins qui vendent des vélos, qui font un petit check-up pour une vingtaine de dollars. Donc, juste pour être safe, c'est quand même une bonne idée. Tu vois, moi, je pense que c'est cette option-là que je vais choisir, payer quelqu'un pour le faire, pour pas avoir à le faire moi-même. Parce que c'est vraiment du trouble, je trouve, un vélo. Surtout nettoyer, puis juste enlever les toiles d'araignée qu'il y a dessus, ça va déjà être un bon défi pour moi. Fait que, ouais. J'ai l'air loser un peu. Hein. Ouais. Donc, c'est tout pour les vélos. Merci, Émilie Gauthier, pour la chronique qui avait de sortir avec moi. On se retrouve très bientôt ici à Assemblage Requis, toi. Son téléphone. fleurs au bout des fusils, vaincre la mort, la peur, le temps. Nous sommes l'espoir, porteurs de drapeaux blancs. Un tas de monde sur la route, un tas de monde au bout du doute. Un tas de monde qui entend, un tas de monde qui comprend. Un monde, un ciel, une vie, une terre qui espère. Attendant la pluie de Gaël à Assemblage Requis. J'aime beaucoup ça. Encore une chanson qui fit vraiment avec la situation. Tellement. On attend. Ben, c'est tellement un sujet universel, la météo. Ouais. Que tu prends un belle CD, puis à un moment donné, tu as une pièce qui parle de météo dessus. C'est pas ce que j'ai fait, là, moi, évidemment. J'attendais pour la placer. Mais... Ouais. Bref, petit retour parce que je sais que les gens sont très, très au courant et veulent se mettre au courant de ma vie personnelle. Hein. Ah, c'est sûr. Mon vélo est toujours dans le shed, toujours sous le toit d'araignée. Je l'ai pas lavé. Come on. Ouais. Moi, je vends le mien si quelqu'un cherche un bicycle. Ah oui? Un beau? Oui, il est tout neuf. Ben tout neuf. Je l'ai acheté, ça fait 3-4 ans, mais jamais utilisé. C'est ça, comme le mien. Mais là, j'ai pas de place où le mettre, fait que faut que je vende. Mais les araignées aiment beaucoup ça. C'est une belle place pour eux autres. Bon. Donc, maintenant, c'est l'heure de parler de nouveautés CD, des nouveaux albums qui sortent cette semaine. Oui, il y a 4 sorties qui valent la peine d'avoir un peu d'attention. Selon ton verdict. Selon moi. Oui, selon moi, toujours. Alors, tout d'abord, il y a Shapes and Sizes, l'album Candle to Your Eyes. C'est un groupe canadien qui vient du BC, de la Colombie-Britannique, mais qui est maintenant installé à Montréal. Il y a beaucoup de groupes qui font ça maintenant, des groupes canadiens qui s'installent à Montréal. On voit que Montréal, ça s'en vient vraiment une belle place pour les groupes émergents. Et l'album, ça fait, c'est vraiment un groupe, un album d'ambiance. C'est bluesé parfois, comme sur la pièce « Too Late for Dancing ». Et il y a d'autres moments que ça me fait penser à VXX, comme sur la pièce The Hit Parade. Et d'autres fois, c'est plus rock classique, un peu à la Band of Skulls, sur la pièce Sing Them Songs. C'est un album super varié, vraiment intéressant à découvrir. Il y a rien de super exceptionnel, mais c'est vraiment un CD d'ambiance qui a bien, bien de l'allure. Mm-hmm. Et il y a aussi un album très, très attendu. Ça fait longtemps que j'en parle. Ça fait longtemps que tout le monde en parle. Il y avait des petites chansons qui sortaient ici et là. Arcade Fire avec l'album The Suburbs, on en a déjà fait jouer à plusieurs reprises et l'album ne déçoit pas du tout. C'est vraiment un mix parfait entre parfois du punk qui était une avenue qui n'avait pas été vraiment vue par Arcade Fire jusqu'à maintenant sur la pièce Month of May. Et le mix parfait entre le punk, je disais, et aussi l'acoustique, ça déçoit vraiment pas du tout avec l'attente qu'on avait. Il y a aussi des chansons vraiment inspirantes comme qu'il y avait Rebellion Lies et Wake Up sur les albums précédents. Maintenant, il y a We Used to Wait et Rococo sur le nouvel album qui sont vraiment des chansons de foule. Et c'est vraiment super bon, mais il est plus. Je trouve qu'il est plus égal que les autres albums. Toutes les chansons sont bonnes. OK, il n'y a pas de maillon faible. Non, c'est ça, il n'y a pas de. Non, c'est vraiment très bon. Et justement, on va aller écouter la chanson. Qui sonne un peu punk sur l'album. On va l'écouter Month of May sur l'album The Suburbs d'Arcade Fire. Assemblage Requis. sur C'est fou 89.1 FM. Toujours Assemblage Requis, l'émission estivale en pièces détachées avec Mathieu et Stéphanie. On vient d'entendre la pièce Month of May d'Arcade Fire qui sort de leur tout dernier album The Suburbs qui est sorti cette semaine. Et il y a deux autres sorties d'albums qui sont intéressantes. Tout d'abord, il y a Catherine Calder avec l'album Are You My Mother. Je ne l'ai pas écouté, je ne peux rien vous dire, mais c'est un membre de The New Pornographers, alors je suis certaine que ça vaut la peine de l'écouter. Et Colin, oui, ça doit. Ça doit. Juste parce que c'est un membre de The New Pornographers, il faut que... Il faut l'écouter. Ça attire l'attention tout de suite. La barre est haute. Oui. Et un album que j'ai écouté aujourd'hui, que j'ai tellement aimé, ça l'a fait ma journée, c'est Waves avec l'album King of the Beach. C'est un album old school punk. Je sais pas si tu connais le lo-fi. Non. C'est quand qu'ils utilisent une qualité moins bonne. Mais en faisant exprès. En faisant exprès. Okay. Oui. Des fois, ça peut devenir vraiment agressant à cause de la bass qui est comme trop forte, ça grége dans nos oreilles. Puis les derniers albums de Waves, ça sonnait vraiment bof, mais là, c'est vraiment clean. On n'entend pas trop la bass, c'est juste parfait, ça sonne pas trop lo-fi. La bass, c'est le buzz? Ouais. OK. Mais c'est ça, j'ai vraiment adoré, ça m'a rendu super de bonne humeur. Juste quand on regarde la pochette, c'est une pochette super colorée avec un chat vraiment louche qui fume. Il y a des palmiers autour, il y a des trucs qui brillent. Ça fait vraiment bizarre. Je sais pas pourquoi, mais ça m'a fait penser à Chambre en ville, la façon qu'il écrit Waves sur l'album. C'est vraiment bizarre. Bref, ça fait super années 90, je trouve. Et c'est ça. J'ai... Okay. Oui, 90, tu regardes? Non, je sais pas. 80, 90. Ah. OK. Début 90, maintenant. Ouais. 90, milieu 90. Je sais pas. Ouais. En c'est tout du cas, fluo, bref. Bon. Oui, c'est du fluo. C'est vraiment cool. Ça fait vraiment soude de skidoo flash, là. Ça fait vraiment cool. Mm-hmm. Moi, je l'ai bien aimé. Alors, sur leur MySpace, vous pouvez écouter deux pièces, King of the Beach et Post Acid, du dernier album. Et si ça vous intéresse, ils vont être de passage à Montréal le 21 octobre au Sepsum avec Phoenix, un autre très bon band. Et on va aller écouter justement la pièce Post Acid. Excellente pièce. Je suis certaine que tu vas aimer, Mathieu. Ben, j'ai hâte d'entendre. Écoutons. Vous êtes Assemblage Requis. Bref, mais vraiment très bon. Très intense. Très intense. Très bon. Short and sweet. Pas aussi la suite de Waves avec deux V. Oui, Waves avec deux V, si vous voulez trouver ça sur MySpace. Ils ont bien fait de mettre ça, sinon Waves, c'est un peu flou comme terme de recherche. Hein? C'est tout pour la première heure d'Assemblage Requis. C'est la fête des nouveautés CD aussi cette semaine. Au oui. On vient tantôt avec une deuxième heure. Et là-dedans, qu'est-ce qu'il va y avoir, Stéphanie, entre autres? Mon plat favori. C'est Enix. Yep. Et d'autres affaires sûrement. Spectacle, plein de bonnes choses. Et de la musique aussi. Oui, toujours de la bonne musique. Alors, restez là, c'est l'émission en pièces détachées. On vient tout de suite. Un genre de bleu, c'est deux heures de blues et de jazz à l'état pur pour les fans et les profanes de ces deux styles interloqués. B.B. King, John Lee Hooker, Pat Metheny, Miles Davis et John Coltrane, tous les virtuoses, grands maîtres et les génies sont au rendez-vous les lundis de 18h à 20h en rediffusion le vendredi de 10h à midi. C'est fou.ca Pour connaître les palmarès complets de C'est fou, les émissions spéciales à venir, télécharger des entrevues, des chroniques ou encore connaître les spectacles à surveiller, c'estfou.ca. Pour inspirer ta liste d'albums à acheter ou à mettre sur ta liste de cadeaux, c'estfou.ca. Tout juste refait à neuf. Viens nous visiter. Après plus... plusieurs franchises à Québec, nouvellement implantée à Trois-Rivières, située au 4825 Boulevard des Forges, à côté des rivières, Yuzu Sushi vous en mettra plein la vue avec un choix de sushis des plus complets, ainsi qu'une sélection de boissons alcoolisées. Des sushis seulement à 1 $. Oui, oui, seulement à 1 $. Sur présentation de la carte étudiante tous les jours de la semaine. Enfin, des sushis à un prix abordable. Yuzu Sushi, situé au 4825 Boulevard des Forges, venez goûter et apprécier la qualité. Yuzu Sushi. Musique Daniel Côté, l'unique dépositaire Gibson à Trois-Rivières, vous offre également des marques telles que Jackson, Ibanez, Epiphone, BC Rich et Yamaha. Musique Daniel Côté, c'est également des guitares acoustiques, de la sonorisation, un département de musique par ordinateur et encore plus. Que vous soyez expert ou débutant, profitez de nos conseils et de notre service hors pair. Musique Daniel Côté, 1645 Royal, Trois-Rivières. C'est fou, 89 ans. Bon, retour, c'est la deuxième heure d'Assemblage requis, l'émission estivale en pièces détachées. Mon nom est toujours Mathieu Plante. Et moi, je m'appelle toujours Stéphanie Gagné. Et vous êtes toujours à l'écoute pour un paquet de chroniques diversifiées qui s'en viennent. Tantôt, on va avoir un bloc sur les nouvelles entrées des palmarès, c'est fou. Donc, restez là pour ça. Ouais, il y a aussi les spectacles qui s'en viennent, les spectacles cette semaine. Il y a aussi mon plat favori. Et je vais aussi vous parler du spectacle que je suis allée voir de Billy Talent au Festival d'été de Québec. Eh bien, Colin! On a du stock! Ben, qu'un, à un moment donné... Il reste 2 heures, ça va rentrer bien juste, je pense. Hein? Comme d'habitude. On se la ferme et on écoute du Foo Fighters. Yes, avec la pièce, un classique de Foo Fighters, Everlong. Ah, ça va, je requis. C'est un classique pour toi aussi, hein, Mathieu? Ouais. Ça me rappelle Everlast, je pense que c'est des sous-vêtements. Everlast, non, c'est un groupe de musique, Everlast. Aussi. C'est quoi les sous-vêtements? Evermore, Ever After. Vous écoutez l'assemblage requis, c'est Fou 89 fois. Je mélange mes références de Bobette. For you, ever alone. Everlong des Foo Fighters à assemblage requis. Et j'ai vérifié sur Google. Hein, Google. Et puis Everlast, c'est bien une marque de sous-vêtements aussi. C'est pas juste un groupe. Fait que t'avais raison. Et voilà! C'est rare, fait que vous le soulignez une fois de temps en temps. Ouais, en effet. Mathieu, tu as raison. Merci beaucoup. Parfois. Ouais. T'es allé voir un spectacle de Billy Talent récemment, toi? Ben, semi-récemment, maintenant. Oui, semi-récemment. C'était quand même le 17, si je me trompe pas. Ça fait quand même quelques temps. Mais ça vaut quand même la peine d'en parler. Alors, je me suis rendue là, j'ai acheté mon billet. Ça commence bien. J'étais folle de joie, mais bon, sans niaiser. Le premier groupe, c'était Vulgar Machin qui ont commencé ça. Ils ont quasiment, pas au complet, mais ils ont quasiment fait oublier la pluie abondante. Il avait fait chaud toute la journée, on était tous habillés, tu sais, shorts, camisoles, rien d'autre. Et là, il pleuvait à Sio, on avait frette. Mais bon, c'était très bon pareil. Après ça, il y a eu Social Distortion, un groupe assez pas récent. Un vieux groupe, ça doit faire 20 ans qu'ils font la musique, eux autres, au moins, si c'est pas plus. Un groupe de punk qui était vraiment pas connu moi-même. Je me rappelais plus trop qu'est-ce qu'ils chantaient. J'avais déjà entendu parler, mais pas plus que ça. Alors, on a quand même trouvé ça long. Ils ont fait 16 pièces. 16 pièces du punk, par exemple? C'est quand même l'équivalent de 8 pièces, non? Non, mais c'était pas des pièces de 2 minutes, là. OK. C'était vraiment 16 pièces. Moi, j'ai trouvé ça très, très long. Par contre, la personne avec qui j'étais a bien aimé. Alors, lui, il a trouvé ça bien cool. Moi, j'ai trouvé ça long. Mais la foule l'a embarqué à la dernière chanson. Ils ont fait Ring of Fire de Johnny Cash. Ah oui? Oui, c'est le seul moment où la foule a vraiment embarqué. Puis c'est comme, yeah, ils s'en vont. Mais bon, OK, c'est méchant un peu, mais bon. À peine. À cette heure, Billy Talent. C'était la troisième fois que j'y voyais en spectacle et c'était tellement aussi génial que les deux autres fois. Le chanteur Ben Kowalowitz était toujours aussi débordant d'énergie. Il est vraiment fou en spectacle. Il saute partout, il danse et sa voix est vraiment, était vraiment pas pire. C'était vraiment très cool. Ouais, parce que j'ai un CD de Billy Talent live et je comprends pas pourquoi ils ont choisi ce spectacle-là parce que la voix est vraiment pas très bonne sur le CD. Alors que là, ça aurait pu faire un très bon album. Moi, j'ai trouvé ça super cool. Et il dit souvent que lui, entre Billy Talent et Québec, il y a vraiment une petite histoire d'amour. Et tout le monde dit ça tout le temps, partout ouais. Où ils vont. Que, oh, vous êtes ma ville préférée, nanana. Mais lui je le vrai, crois. C'est là. Ça. Lui, je le crois tellement. Là. Bon, moi, je suis en amour avec Ben Kowalowitz, là, mais bon. C'est bref, un des, c'est qui, ça? C'est le chanteur. OK. Je l'adore. Mais bon, je le crois. La foule était vraiment dedans, mais était quand même, c'était pas déplacé. La dernière fois que j'étais allée voir Billy Talent, c'était justement au Festival d'été de Québec, il y a 2 ans, je crois. Encore là, il y a eu de la pluie tout le long, c'était vraiment chien. Et la foule était vraiment beaucoup trop en délire à mon goût. C'était comme le mosh pit total. Là. À chaque 30 secondes, tu te ramassais 5 mètres plus loin de ton espace. Ouais, c'était vraiment pas cool. Là, ça l'a pas fait ça. Il y a eu une couple de mosh pit proche de moi, mais pas trop. J'ai pas eu besoin de changer de place. La dernière fois, on s'était dit « OK, on s'en va ». Puis on est parti en arrière. On s'est dit « On va marcher jusqu'à temps qu'on ait de la place pour respirer ». Puis quand on a trouvé de la place pour respirer, on s'est viré de bord. On voyait plus la scène. C'était le parking. Ouais, quasiment. Mais c'est ça. Là, c'était juste parfait. Alors, j'étais vraiment contente qu'il n'y ait pas trop de mosh pit. Et il y a aussi une petite anecdote très cool. C'est qu'à chaque spectacle de Billy Talent à Québec, il y a quelqu'un qui pitch un gilet des Nordiques. Ah. Et à chaque fois, il se ramasse avec un gilet des Nordiques. Et là, il se met à chialer sur scène. Il est vraiment drôle. Puis il dit, là, j'ai pas encore eu mon chandail des Nordiques. C'est une tradition à chaque fois que je viens. Fait que là, je trouve pas ça cool. Si vous voulez que j'aille chialer à Gary Bettman pour que vous ayez votre équipe, il me faut mon gilet. Puis évidemment, c'est juste pour ça pour que quelqu'un enlève son gilet et l'envoie en avant. Mais le gilet s'est ramassé entre la grille et la scène. Mm-hmm. Où est-ce que les amplificateurs? Et il s'est accroupi sur le ventre avec le gardien de sécurité puis il essayait de le rattraper. C'était vraiment drôle. Il a arrêté de chanter tout, là, juste pour attraper son fameux gilet. Et il l'a porté durant toute la restante du spectacle. Ah. Ouais, il a même parlé en français aussi. C'était vraiment cool. Qu'est-ce qu'il a dit? Plein d'affaires. Okay. Ouais. Non, il parlait vraiment... c'est son Canadien quand même, fait que c'est pas comme s'il était chinois puis essayait de parler français, là. Ouais. C'est ça. Et mes coups de cœur pour le spectacle, il y avait Surrender, qui était la chanson d'amour qu'il a dit, là. Il a dit « Cette chanson est une chanson d'amour. Mm-hmm. » Et c'est ça. C'est vraiment une chanson que j'adore. Je l'aimais déjà au départ, mais c'était vraiment rempli d'émotions. Tout le monde qui chantait le refrain ensemble, c'était vraiment cool. Il y a eu « Devil on My Shoulder », qui était vraiment très cool. Ben Kowalowitz a commencé à chanter la chanson couché sur le ventre, à terre, sur la scène, avec le micro sur le côté. C'était vraiment le fun. Puis après ça, il y a eu un solo de Ian Tsa, un solo genre blues. C'était tellement cool, là. C'était vraiment malade, malade, malade. C'est le bassiste, lui, le guitariste, là. Oui, okay. Guitariste. Guitariste. Et après ça, il y a aussi Diamond on a Line Mind du dernier album, Billy Town 3, qui est vraiment une très, très bonne chanson. Et moi, je m'attendais pas à voir autant de monde au spectacle. J'étais vraiment étonnée parce que je pensais que la folie Billy Talent était un peu dépassée. Le premier et le deuxième album, ça avait vraiment été super populaire. Là, j'ai l'impression d'avoir moins vu le troisième, l'ampleur du troisième album. Mais moi-même, j'avais pas accroché sur le troisième album jusqu'à une semaine avant d'aller voir le spectacle. Que là, je me suis forcée à l'écouter. Et finalement, j'ai vraiment trouvé bon. Il est pas aussi... Il varge pas aussi, autant. Il est pas aussi... agressif, mais c'est super bon pareil. Et justement, on va aller écouter une pièce du troisième album, Diamond on a Landmine, qui était un de mes coups de cœur. Fait que, en résumé, on pourrait dire que Billy Talent a été à la hauteur de tes attentes. À talent. Hein? Oui, à la hauteur de mes attentes. C'était ouais. Très bon. Tes jeux de mots sont meilleurs que les miens. On sait, t'as plus d'habilité là-dedans. Je sais que le mot c'est habilité, mais bon. On écoute Diamond on a Landmine. Assemblage Ricky. C'est fou 89.1. FM. Lay on the floor. I saw her friends and I was told she blocked my number from her cell phone. Oh, Vous écoutez toujours Assemblage Requis avec Mathieu et Stéphanie. On vient d'entendre Diamond on a Landmine de Billy Talent, un groupe qui a été débile au Festival d'été de Québec. The Billy Talent. I love it. Ça n'a pas été facile, par contre, le voyage, toi, apparemment. C'est ce que j'ai entendu dire. Non, j'ai fait un accident en revenant. Quel genre d'accident en revenant? Non, je n'ai pas fait d'accident. Ah. OK, correction. J'étais dans l'auto, mon auto, mais je n'ai pas fait l'accident. Je dormais. Détail. Non, je ne dormais pas devant le volant. Non, tu dormais du côté passager, ce qui est complètement correct. Oui, même si ton ami, lui, devrait rester réveillé parce qu'il est aussi fatigué, puis toi, que tu l'aides pas parce que tu t'endors, là. Ouais, mais lui, il avait pas travaillé une nuit la veille. Mm. Moi, ça faisait 30 heures que j'étais réveillée. C'est sûr que je voulais dormir dans l'auto. Fait que c'est ça. Dans un fossé. Là, je me suis ramassée dans le fossé. Super le fun. Pas de tonneau, par contre. Non, pas de tonneau, presque. Mm. Mais non, finalement, c'est derrière qui a tombé dans le tonneau. Ouais. Mais moi aussi, j'ai eu une mésaventure. On est allé à Montréal mardi. Et puis, tu sais, il mouillait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Oui. Fait qu'on s'est dépêché en sortant de l'auto en arrivant au cinéma. Tu sais, c'était l'après-midi. On arrive, on sort. Apparemment qu'on a oublié les lumières allumées, hein, parce qu'on est revenu puis il n'y avait plus de batterie. Hein. Oh non! Ouais, fait que là, ben, on capotait un petit peu. T'sais. Jusqu'à temps que, moi, tu sais, je suis un néophyte en voiture. Je n'ai pas de voiture et je connais rien là-dedans. Uh-huh. On a appris que tu pouvais appeler un taxi puis qu'il venait te booster la batterie. Fait que c'est cool. Coûtait cher, mais c'est le fun. Ça a coûté combien? 25. Quand même. Oui, hein? Juste pour 3 secondes de bzzz. Quand même, t'aurais dû juste accrocher des gens au passage et demander est-ce que vous voulez booster mon char? On a commencé par faire ça, mais il mouillait encore vraiment beaucoup. Fait qu'avoir quelqu'un pour venir nous booster à la pluie comme ça au cinéma, tu sais, les gens soit s'en vont vers un film ou reviennent d'un film. Ouais, ils restent pas là. Tu sais, puis il était comme genre minuit. Fait, hein. Oh non, c'est vraiment pas cool. Non, pas cool du tout. Pas une excellente journée, tu sais. Ah, c'est clair. Ouais. Mais c'est le fun des films, par exemple. Qu'est-ce que vous êtes allé voir? Le Dîner de con. Oh. Nouvelle version. Oui. Excellent. Avec Steve Carell et Paul Rudd. Steve Carell. Mais es-tu bon là-dedans? Tu le crois, hein? Tu le crois. Ça doit. Il joue l'épée à merveille, je trouve. J'ai pas vu l'original, fait que c'est difficile de faire des comparaisons, mais en général, je trouve que le film était très, très drôle, très à hauteur de mes attentes. J'aime beaucoup Zach Galifianakis qui joue là-dedans dans The Hangover. Il joue le patron de Steve Carell. J'ai pas vu The Hangover. Grosse non barbe, plus. Là, j'ai pas vu. Très drôle. Très cool. Drôle. On est aussi allé voir Charlie St. Cloud. Avec Zac Efron. Ah, mais est-ce que... OK, non, je te demanderai pas à toi. Est-ce que ta blonde l'a aimé? Ouais, je pense. C'est OK, un peu, cool, je vais peut-être l'aimer. C'est un peu comme, je dirais, sans vouloir dévoiler le punch, là, parce que aussitôt que je vais vous dire quelque chose dans ce film-là, genre pas mal n'importe quoi, ça vient gâcher votre plaisir de... Non, mais on sait que c'est un... L'histoire, c'est un gars que son frère est mort. Ouais, ça, c'est dans les 5 premières minutes. Là. Mais que lui a survécu et là, il revoit le fantôme de son frère, dans le fond. Genre, ben, tu sais, fantôme. Ouais, il hallucine son frère. C'est ça, puis il joue avec lui au baseball pendant, genre, une super longue période de temps tous les jours au coucher du soleil au parc. Ça, il le répète comme 30 fois dans le film. On a compris que c'est au parc, puis c'est genre, en tout cas, dans le bois, c'est au parc. Mais sinon, c'est ça, c'est fucké. Tu te poses des questions assez fréquemment, disons. Est-ce qu'il est fou? En tout cas... Est-ce qu'il est vraiment mort, le frère? Ah, les théories, y en a beaucoup. Mais chacun a sa propre théorie et est sûr que sa théorie est la seule et que les autres ne sont pas possibles. Mais ça, c'est vraiment populaire. Hein? Il me semble qu'ils en font beaucoup des films comme ça, de gens qui hallucinent des gens. Ouais. Tu sais, comme dans Gothica, qu'elle hallucinait la petite fille qui est morte, finalement, qui a été violée, whatever. Il y a le film avec Leonardo DiCaprio, celui avant Inception, quand il va dans une prison... Shutter Island. Oh! Hey, ça, ça a l'air bon, par exemple. Oui, ça a l'air bon, mais encore là, c'est une histoire que peut-être qu'il est fou, peut-être pas. Uh-huh. Ou 23, qui était aussi avec Jim Carrey. Oui. Le nombre 23. Il y a beaucoup de films comme ça, là, louches. Ben, j'aime ça, ce genre de film-là, d'habitude, mais je trouve que, en tout cas, le côté surnaturel et de superstition, de religion, moi je trippe un petit peu moins sur ce genre de choses. En tout cas, allez le voir, faites-vous votre propre idée. C'est sûr que vous allez avoir au moins un bon moment parce que ça a passé vite quand même, malgré tout. Malgré les grands regards là, au loin de Zac Efron et ses abdos et ses tout de bras, etc. Là. Ah. Mais ça, tu sais, il faut s'y attendre. Hein. Attends, je vais essuyer le bord de ma bouche. OK, tout va bien. C'est ça. Bref. Le Dîner de con, moi, je l'ai aimé, celui-là. J'ai pas vu, moi non plus, l'original, mais je connais l'histoire. Ça a l'air cool. Et voilà. Bref, vous êtes toujours Assemblage Requis. C'est l'émission estivale en pièces détachées. Vous l'aurez compris par la discussion qu'on a. C'est détaché, ça n'a rien à voir avec rien. On fait juste discuter entre nous comme si vous, les requins, n'y étiez pas. Ça. Et

diffusé sur les ondes de C'est Fou 89 ans. Avec Bob et DJ Quaw. Yup. C'est fou. C'est fou. Visitez le www.cfou.ca. 89 ans. Écoutez, assemblage requis sur C'est fou. Oui, c'est l'émission estivale en pièces détachées en compagnie de Stéphanie Gagné. Et de Mathieu Plante. Oh, que oui. Wesh! J'ai des petites nouvelles pour toi, Mathieu. Ah, ben, Colin. J'ai plusieurs petites nouvelles par rapport au monde musical. Sont-ils petites comme ça? Tout petit. Les Québécois, on dit tout le temps petit devant tout. Tu fais un petit café? J'ai une petite nouvelle. Un petit nain. Tellement pas trop. C'est pas correct de dire ça. Non. Alors, tu sais que Winter Gloss va sortir un nouvel album. Oui. All Red. Eh bien, ils ont annoncé une tournée pour le Canada et les États-Unis. Alors, ils vont être de passage le 4 septembre dans le cadre de Empour Montréal et aussi à Montréal le 25 septembre au Il Motor. Ensuite, il y a Weezer qui a été la surprise de Oceaga, ce qui paraît. Moi, j'ai vraiment pleuré toutes les larmes de mon corps parce que je pouvais pas aller à Oceaga cette année, aucune des deux journées. Oh. Et il y avait genre 12 groupes que je voulais voir. Mais bon, on va pas parler de ma détresse. Weezer, la détresse. Oui, okay, bon. Qui était la surprise de Oceaga, ben, ils ont annoncé qu'elle allait sortir un nouvel album le 14 septembre. L'album va s'intituler Hurley et ça va être sur une étiquette indépendante Epitaph Records. Donc, ils ont quitté le label majeur Geffen. Alors, je me demande vraiment si ça va influencer leur musique parce que récemment, disons que leur musique, ça, c'était assez commercial là, quand même. Alors, on va espérer qu'ils vont retourner à leurs vieilles influences. On va espérer que c'était une bonne chose et non pas une Geffen. Une Geffen. Il y a You Say Party, We Say Die qui avait changé de drummer. Pas par choix, mais à cause du décès de leur drummer. Et maintenant, le groupe, c'est juste You Say Party maintenant. Eh bien, c'est déjà fini avec leur nouveau drummer. Caroline. Ça n'a vraiment pas duré longtemps. Il n'est pas mort, toujours. Donc, non, il n'est pas mort. Alors, Bobby Seidat est déjà parti. Il est remplacé par Al Boyle. Mais on ne sait pas si ça va être à long terme. Ce sera de Susan Boyle. Je sais pas s'il ressemble. Hein? Ou s'il sait chanter. Peut-être. Aussi, il y a Mark David Chapman. Est-ce que tu sais c'est qui? Non, Chapman, c'est de la crème glacée, je pense. Oui, mais non, je parle pas du tout de la crème glacée. Je parle de celui qui a assassiné John Lennon. Ça va faire 30 ans le 8 décembre. Et le 9 août, donc cette semaine, il va tenter de négocier une libération conditionnelle. Ça va être son 6e essai. Et bien sûr, la nouvelle est sur extreme.ca puisque Yoko Ono s'est opposée à ça. C'est Yoko opposée. C'est tellement pas cool. Elle a dit « Oh no, no, no! » Tu rends quelque chose de tellement triste, drôle. Bref, c'est son 6e essai. Mais bon, selon moi, ça devrait toujours pas être accepté pour lui et pour le reste du monde parce que... Il risque tellement de ne pas vivre longtemps en dehors de la prison. Il a tué une figure emblématique là, de la musique. Puis même en prison, il est comme séparé des autres. Ah ouais? Ouais, parce qu'il est vraiment connu. Là. Tout le monde sait c'est qui. Là. Tout le monde sait pourquoi il est là. Fait qu'imagine qu'il y a un fan des Beatles en prison. Mm-hmm. Ça va mal virer. Il devrait... Je peux essayer une dernière blague. Une dernière blague poche? Vas-y. Le juge, est-ce que tu penses qu'il va lui demander « deal or no deal » Yoko Ono, on a dit. Ça m'a pris du temps, mais bon, elle était vraiment loin, celle-là. Merci. Bon, et finalement, une dernière nouvelle qui m'a vraiment énervée, dans le bon sens. Ouais, ouais. Tegan et Sarah sortent un coffret. Ouais, je sais. En vinyle. 6 vinyles. Hey, oui. Ça va coûter cher, ça. Une centaine de dollars. Ah, c'est pas si pire, par exemple. C'est pas si pire. Ça revient à, je sais pas quoi, une quinzaine de dollars chaque. Donc, 5 albums studio. Ils ont enlevé Under Feet Like Ours, qui était leur premier album. Pourquoi? Donc, je sais vraiment pas. Moi, j'ai vraiment aimé Under Feet Like Ours, mais faut avouer que Under Feet Like Ours et Business of Art ont beaucoup de chansons en commun qui ont été retravaillées pour Business of Art. Mais il a peut-être au moins juste pu mettre les pièces qu'il y avait en commun ainsi que les celles qui ne sont pas dessus. C'est parce qu'il y a vraiment d'excellentes chansons dans Under Feet Like Ours. C'est vraiment un bon album. Donc, il va avoir les 5 autres albums studio. de Business of Art à Saint-Hood. Et en plus, un démo de 9 chansons. Ça va s'appeler The Official Vinyl Collection et ça va sortir sur Extreme. Il est écrit autour du 31 août. Il n'y avait pas de date officielle et environ une centaine de dollars. Et si vous le commandez tout de suite, eh bien, vous allez avoir un poster signé. Et Colin. Autographié de Tegan and Sarah. Comment ils font pour charger aussi pas cher pour quelque chose qui se vendra pas super beaucoup? Ils sont tellement cool. Ah, c'est cool. J'ai tellement le goût d'en acheter un. Ils sont pas là pour l'argent, on aime ça. J'ai même pas de tourne-disque. Non, j'ai pas ça. Mais juste pour l'image de la chose. Juste parce que c'est quelque chose de Tegan and Sarah, tu sais. Ben d'accord avec toi. Comme j'avais acheté les livres aussi, quand ils ont sorti des livres. Là. Ils avaient sorti des livres? Oui. Et des paroles dedans? Quoi? Non, ben il y avait... Il y avait un livre que c'était quand ils ont essayé d'écrire ensemble, parce que Tegan et Sarah, ils écrivent pas ensemble, jamais. Ouais. Et là, ils ont essayé une fois, et ils ont pris des photos, ils ont écrit comment ça se déroulait. Ça, c'est un livre, ils ont écrit un autre par rapport à leur tournée en Australie. Tu sais, ils écrivent toutes des petites notes, là, toute la band. Et le troisième, je m'en souviens plus, mais en tout cas, c'était bien intéressant. Super. Mais vraiment juste pour les fanatiques finis, là, les autres vont trouver ça complètement inutile de dépenser 80$ pour ça. Mais bon, c'est moi, hein? C'est ça. Moi, je te respecte. Moi, je suis du même genre à acheter des affaires juste parce que j'aime bien ça. Ouais. Ça n'a aucune utilité en tant que tel. Et bon, on va aller écouter du Tegan and Sarah, justement. On va aller écouter une vieille pièce de l'album If It Was You. On va aller écouter la pièce Living Room. Assemblage requis. Dans votre salon, au pire. Oui, dans votre living room. Peut-être que les gens sont dans le living room sur leur couch en train de drinker. Tu parles comme radio. Ouais, c'est ça. Ouais. J'essayais, mais je l'ai pas eu. Ça. Non. Vous écoutez C'est fou, 89.1 FM. To make you move and across away from me. I hope I never figure out who broke your heart. And if I do, I'd spend all night losing sleep. I'd spend the night and I lose my mind. Well, I'd spend the night and I lose my mind. My windows look into your bathroom. Well, I spend the evening watching you get yourself clean. And I wonder why it is that they left this bathroom so unclean. So unlike me. I hope I never figure out who broke your heart. And if I do, I'd spend all night losing sleep. I'd spend the night. On revient, hein? On dirait. Tegan and Sarah. Oui, living room. Dans votre living room. I'm loving room. Arrête! Ça suffit. C'est le temps des palmarès, là. Ah, OK. Oh, tu chantes dessus. Ça fait un style différent quand je chante dessus. J'aime ça. jamais. Ben, je suis pas sûr, mais en tout cas. Bon. Donc oui, les palmarès c'est fou cette semaine qui comprennent 6 nouvelles entrées, 3 de chaque côté. C'est quand même beaucoup pour une semaine d'été. Mais pourquoi tu m'as demandé? Ben, tu me le demanderas pas, mais je suis sûr que tu me le demanderais si tu pouvais. Oui, désolé. Comment ça se fait? Comment ça se fait qu'il y a autant de nouvelles entrées? Mais comment ça se fait, Mathieu? Ben parce que c'est les palmarès pour l'été, une bonne partie de l'été au complet. Une bonne partie de l'été. Une bonne partie de la fin de l'été, mettons, on pourrait dire comme ça. C'est du 26 juillet au 22 août. Donc, les palmarès vont faire relâche jusqu'à la fin du mois, finalement. D'accord. Donc, on va s'en entendre quelques-unes. On va en garder pour les prochaines semaines. Pourquoi donc pas? Donc, on va y aller avec un petit peu de Vulgaire Machin en position numéro 20 avec le mythe de la démocratie. Et puis après ça, on entendra Final Flash avec Welcome to the House on Fire. Mais pour l'instant, les Vulgaire Machin au 89.1 FM, c'est le bloc des palmarès. C'est fou. Can't regret, I regret the choices I've made. Vous avez caféiné la pièce La Lune, c'est la position numéro 19 du palmarès francophone de C'est fou. Et avant ça, on a entendu les positions numéro 20. Alors, en anglo, c'est Final Flash avec Welcome to the House on Fire. Et en franco, c'est Vulgaire Machin avec Le mythe de la démocratie. Yep, excellente pièce qui ont joué au Festival d'été de Québec. Très, très bon. Puis très upbeat, fait que tout le monde est vraiment embarqué dedans. Mais ça donne des mains comme dans un jeu télévisé. Non, ça dansait, ça courait, tout le kit. Pourquoi ils font ça dans un quiz? Hein? C'est même pas de l'applaudissement, c'est juste un genre de beat pas rapport. Je sais pas. Alors, il nous reste deux pièces à écouter du palmarès. Oui, on va aller entendre du côté anglophone tout de suite Korn avec Oildale, entre parenthèses, Leave Me Alone. Et puis après ça, on va entendre la position numéro 18 franco, 354 Barry avec Soviet Cosmonaut. 89 FM. C'est fou! Resist. numéro 18. Bon, donc, c'était 354 Barry avec une pièce qu'on nomme Soviet Cosmonaut de leur album du même nom. En fait, c'est un maxi de 3 pièces pour 354 Barry. Alors ça, c'était du côté anglophone, Korn avec Earl Dale, en parenthèse, Leave Me Alone. On saute par-dessus la position numéro 18 anglophone qui est la formation Soilwork avec Night Comes Clean. On aura l'occasion de l'entendre pendant les prochaines semaines parce que, comme je le disais tantôt, les palmarès c'est fou font relâche. Donc ça, c'est le palmarès du 26 juillet au 22 août. Out. Out. Out. Tu dis out? Non. Out. Get out. Out. Voilà donc pour le bloc des palmarès. C'est fou. On vous jouera des pièces qu'on n'a pas eu l'occasion de jouer pendant les prochaines semaines, d'ici la fin de la session d'été. Nous, ben, c'est la fin de la deuxième heure des palmarès. C'est fou. Il y en a une troisième, la deuxième heure d'assemblage requis. Hein. T'as-tu oui, attrapé pas mon. Pas des palmarès. Non. C'est ça. T'en étais-tu rendu compte? Non. C'est ça. Yeah. Il reste une heure d'assemblage requis. C'est-tu ce qui va aider? Quoi? Ça, oui. Ah, ça nous remet dans le beat. Et voilà, il va rester dans la prochaine heure le spectacle, le plat favori. Et de ton côté? Il nous reste quoi, CNX à faire, hein? Oui, vidons-la dans la question. Et Colin, ça rentrera pas tout ça. C'est sûr que non. Du tout. On va essayer. Et c'est notre slogan à chaque semaine. À Sandlagerie qui reste là. vestibule. Samedi, 21h. myspace.com/vestibule. Plusieurs franchises à Québec, nouvellement implantées à Trois-Rivières, situées au 4825 Boulevard des Forges, à côté des rivières, Yuzu Sushi vous en mettra plein la vue avec un choix de sushis des plus complets ainsi qu'une sélection de boissons alcoolisées. Des sushis seulement à 1$. Oui, oui, seulement à 1$. Sur présentation de la carte étudiante tous les jours de la semaine. Enfin, des sushis à un prix abordable. Yuzu Sushi, situé au 4825 Boulevard des Forges, venez goûter et apprécier la qualité. Yuzu Sushi. Z-Tox, en collaboration avec Sifu, désire t'envoyer à Chicago au Rock'n'Roll Fantasy Camp pour pratiquer, enregistrer et performer avec de vrais rockstars. Pour t'inscrire au concours, visite le site des boutiques Detox au d-tox.com. Musique Daniel Côté, l'unique dépositaire Gibson à Trois-Rivières, vous offre également des marques telles que Jackson, Ibanez, Epiphone, BC Rich et Yamaha. Musique Daniel Côté, c'est également des guitares acoustiques, de la sonorisation, un département de musique par ordinateur et encore plus. Que vous soyez expert ou débutant, profitez de nos conseils et de notre service hors pair. Musique Daniel Côté, 1645 Royal, Trois-Rivières. Notre mission, pour vous, avec vous. Les étudiants de l'UQTR sont notre raison d'exister. Plusieurs services vous sont offerts. Ateliers d'aide aux études, services d'orientation et de psychologie, également des services tels le logement, la mobilité étudiante, sans oublier le service de prêt et bourse, ainsi que la présence d'une infirmière et d'un médecin. Tous ces services et plus sont pour vous, avec vous. Venez nous rencontrer au 1275 pavillon Albert-Dessier de l'UQTR. Le service aux étudiants, pour vous, avec vous. Le temps des plaisirs est fini. Le temps des plaisirs. 489. On l'a dit tantôt, c'est l'émission qui essaie. Qui essaie. Vous êtes de retour, c'est la troisième heure d'Assemblage requis, l'émission estivale en pièces détachées. Il nous reste 55 minutes environ ensemble, jusqu'à l'émission La Spirale, le jeudi à 18h, et jusqu'à l'excellente émission de Barouge, La Sécheuse, le samedi à partir de 19h. Toujours un grand succès, cette émission-là. On va entendre un petit peu de Mister Valère. Oui, mais tout d'abord, je vais vous parler des spectacles qui s'en viennent, parce que justement, Mister Valère en fait partie. Donc, aujourd'hui, oui, nous sommes le 5. Donc, ce soir, Jacob Dylan, le fils, évidemment, le Bob Dylan, va être au Festivan à Lévis. Même chose pour Est-ce Taylor. Il chante comme ça, il chante comme ça. Taylor Made Fable aussi va être au Festivan. Et Mister Valère, de l'autre côté, vont être au Bivouac Urbain. C'est un festival d'art numérique dans le quartier Saint-Roch qui se passe du 5 au 8 août à la place Université du Québec. Et ensuite, le 8, il y a Louis-José Houd, dis-je, qui va être au Festivan. Le 8, Interpol va être au Métropolis. Et autre sortie, selon moi, cinéma. Sortie cinéma, filière 13. Oh ouais? Est-ce que tu avais vu Trois petits cochons? Non. Moi, j'ai vraiment adoré Trois petits cochons. Et là, c'est vraiment la même gang. Patrick Huard derrière la caméra, avec comme acteur le trio Claude Legault, Guillaume Lemaitre-Vierge et Paul Doucet. J'aime pas le cinéma québécois, mais là, je commence à l'aimer avec des films comme ça. T'aimes pas ça en général, toi? Juste comme ça, j'aime pas le cinéma québécois. En général, j'aime pas ça. Il y a vraiment des exceptions. Ça? T'es aussi de ça? C'est ça? N'importe quoi. Mais pourquoi t'encourages pas, là? C'est juste que ça clique pas. Okay. C'est pas l'amour fou. T'as le droit. Mais il y a des films qui sont bons, comme Les Grandes Chaleurs, Crazy, que j'ai adoré. Et puis Dans le vide, c'était bon, ça. Je l'ai pas vu encore. C'est bon. Pas encore. Il faut... Bref, le film parle de la détresse psychologique chez les hommes, qui est vraiment un sujet qu'on ne parle vraiment pas. Et c'est ça, à ce qui paraît, le film est très prévisible, mais très drôle quand même, et bien abordé. Alors voilà, et la musique, c'est Beast qui l'a fait. Oh. Alors raison plus pour aller voir le film. Quand même, Beast fait la trame sonore. Hein? Ça me rappelle Bête pas bête plus. On va aller écouter Mister Valère. Avec la pièce... Mama Dante. Mama Dante. Mama Dante. Non, c'est pas ça. Pas Madonna, non. OK. Vous écoutez l'assemblage, Rocky. Mama Dante. Ah, c'est Papa Don't Preach. Ah oui, OK. Et voilà, déjà terminé. Comme ça, vite de même. Vite, bang. Wow. Wow. Elle est bonne? Oui, c'est très bon, très accrocheur. Mama Dante de Mr. Valas, c'est sur leur album Golden Bomber. Wep, leur dernier album sorti cette année. Mm-hmm. Si vous étiez avec nous la semaine dernière, on a fait une émission spéciale avec que des chroniques top plat favori du début à la fin. C'était haut comme pile de plat. Il y avait beaucoup de plats. Ouais. Disons qu'on s'écroulait sous une avalanche de plats. C'était vraiment une soirée Tupperware. Ah, ça aurait dû être ça le nom, Colin, toi. Hein? La soirée Tupperware de Stéphanie. Et on a passé à côté de ça. Mais cette semaine, seulement un seul plat, mais un plat de qualité. Tu sais, ceux avec, le truc de caoutchouc, vraiment, tu sais, comme ça peut pas couler. Ouais. Ouais. Je suis ton plat favori. C'est le fun le nom ton plat favori parce qu'il y a plein de jeux de mots autour, mais tu commences à en manquer après une session complète. Ouais, ou c'est deux. Clair. Quand ça fait vraiment longtemps que tu fais des plats favoris, c'est ça. T'es une vieille, la vieille, ça que tu veux dire? Non, vraiment pas. Vraiment pas. Non. De quoi tu nous parles? Hein? Quoi? Hein? Je parle de The Blue Van. Pas très professionnel comme split par-dessus de même, hein? Non. Donc The Blue Van. The Blue Van avec leur album Man Up. C'est un groupe de blues rock qui vient du Danemark. C'est du rock qui fait beaucoup penser aux années 60, 70, l'art psychédélique du genre Led Zeppelin, The Kinks, The Who, des groupes dans ce genre-là. Mais en même temps, c'est super récent. C'est vraiment cool le mix des deux qu'ils font. Et il y a la pièce There Goes My Love qui a été la pièce de la campagne publicitaire iPad. Alors je me suis dit, hey, ça va l'intéresser. Je dis iPad, j'ai toute l'attention de Mathieu. J'en veux deux. Et bon, l'album, il n'y a pas beaucoup d'expérimentation. C'est vraiment du rock assez safe. Il s'éloigne pas trop de ce qui est conventionnel, mais c'est quand même super bon. C'est vraiment très cool à écouter. Et justement, on va entendre la pièce There Goes My Love. Pourquoi pas? Bon. Mais dans le blog, ton plat favori? Wep, à Assemblage Rocky. Sur C'est Fou. 89 FM. Hein? Hein? Hein? Ben oui! Charming type, take off your gloves and show what they hide. Please, please, my naked wrist with your hands and fingertips. And please, baby, get on your knees. Don't bare, bare, bare your teeth. I'll let you cry if you close your eyes. For you. toujours à Assemblage Ricky avec Mathieu et Stéphanie. Et on vient d'entendre The Blue Van avec There Goes My Love. Eh oui! Super bon, hein? Ben oui! Il y a des les influences récentes, je trouve que ça ressemble un peu à du OK Go ou The Cooks dans le même genre. Tout à fait. Tout très cool, hein? Est-ce que tu veux mon plat favori? Oui, vas-y. C'est une application qui s'en vient bientôt sur l'App Store d'Apple. Ça s'appelle Epic Win. Donc, epicwinapp.com et l'adresse. Et là, il y a une belle bande-annonce sur le site. Vous allez voir ça sur epicwinapp.com. Donc, ce que ça fait, c'est que ça vous aide, dans le fond, à... Je suis pris par surprise. C'est comme ça. Kiwan vient d'arriver. On va y parler tantôt. OK, continue. On va parler de Kiwan tantôt. C'est ça. Ça vous aide à accomplir des tâches dans votre vie. C'est une application de to-do. C'est comme sur l'App Store, on en voit souvent des listes de choses à faire. Et là, ça vous récompense en vous donnant des points. C'est super mignon, super joli. Personnage incroyable. Tu peux choisir... on les voit ici, Swarthy, le Dwarven Toiler. Wow. En tout cas, bref, c'est vraiment cool. EpicWinApp.com. C'est pas encore disponible, mais ça sent bien. C'est comme un jeu de rôle. Donc, vous augmentez vos attributs, votre force... votre intellectuel, votre niveau social, votre esprit et tout ça en accomplissant des tâches dans le vrai monde. Donc, un jeu de rôle combiné avec le vrai monde. EpicWinApp.com. Voilà. Cool. Hein? Je disais que Kiwan était arrivé puis ça me tente de le faire parler, même s'il n'y a sûrement absolument rien à dire à la radio comme ça. Vraiment pas. Bonsoir, Mathieu. Hey, salut, Kiwan. Stéphanie. Salut, j'ai parlé du spectacle de Billy Talent tantôt. T'as manqué ça? Ben oui, j'ai manqué ça. T'aurais pu dire... là-bas? Mm-hmm. Oui. Ben oui, t'aurais pu dire ce que toi t'en as pensé. Je pourrais peut-être faire ça. Vas-y. Ben tout de suite, là, comme ça. Ben let's go, tant qu'à faire. OK, mais toi, qu'est-ce que t'en as pensé? Là, je sais que tu l'as dit tantôt, mais moi, j'ai trouvé ça. Donc, on jase comme ça. On jase, on fait comme si les autres étaient pas là, hein? On parle juste entre nous deux, hein? C'est un peu ce qu'on fait tout le temps. Ouais, c'est ça. Non, j'ai trouvé le spectacle vraiment cool. J'avais déjà vu Billy Talent deux autres fois, mais ça m'a vraiment pas déçu. En plus, que j'ai trouvé que le public était vraiment poli, contrairement à d'habitude. D'habitude, ça trash comme des Mongols. Et là, j'ai été capable de rester en place durant tout le spectacle. Je me suis pas fait frapper. Il a pas fallu que je change de place à cause que le monde était déplaisant. C'était vraiment cool. OK, donc toi, d'habitude, tu trouves ça déplaisant, là, les gens qui s'énervent dans les concerts rock. Moi, je suis allergique au monde. J'haïs ça quand on me touche. Pour de vrai, je déteste. Je vire folle. Là. Genre, hyperventilation, tout le kit. Là. Xénophobe? C'est vraiment épouvantable. Là. C'est pas cool. Mais c'est ça, j'ai vraiment adoré. En plus que moi, je suis en amour avec le chanteur. Là. Je l'aime tellement. Et là, il y avait tellement d'énergie. Il saute partout, il chante, il gueule. C'est vraiment mon gueule. Moi, j'ai capoté. Ouais, ben t'aurais pas aimé ça d'abord qu'on regarde tous les spectacles ensemble. Parce que moi, j'étais justement... En fait, j'ai presque pas de souvenir du spectacle. Là. J'ai été en avant dans le trash, dans le mosh pit du début à la fin. Wesh! Mon ami m'a entraîné là au début. Il m'a dit « J'aimerais ça faire du body surfing. » Je trouvais ça un peu féminin comme souhait. Mais j'ai quand même été le projeté en avant. Puis là, ben, après ça, je suis resté là. C'était trop le fun. Je suis resté là tout le spectacle. Puis, étant donné que ça brassait pas mal, justement, il a fallu que j'enlève mes lunettes, vu que je porte des lunettes. Ben oui. Donc, j'ai vraiment rien vu du spectacle. Mais j'étais proche de la scène, mais pas assez pour voir sans mes lunettes, vu que je suis vraiment très myope. C'était un flou. Puis même avec mes lunettes dans mes poches, j'ai réussi quand même à les briser. Là. Ils ont su faire beaucoup. Oh non! Ouais. Mais le spectacle, t'as aimé ça, même si tu voyais rien? Ouais, c'est sûr. Là, c'est de l'énergie du début à la fin, là, un spectacle de Billy Talent. Puis c'est pas un groupe que... C'est pas le groupe que je préfère au monde, là, mais disons, dans ce type de musique rock alternative, c'est pas mal le groupe que j'aime le plus. Mettons, si on parle là, de... Si on met une référence connue là, sur le son, disons, de tous ces groupes-là, là, genre de musique X-ienne, là, tu sais. Musique genre Radio X, mettons. Mm-hmm. Si on met une image sur leur son, ben c'est pas mal le type de groupe que j'aime. Le groupe que j'aime, Billy Talent. Donc c'est ça, je suis pas un super grand fan, tout le monde comme toi, tu l'es vu que t'es en amour avec Benny. Ben oui, mais j'ai décroché un peu avant, je capotais vraiment quand j'étais au secondaire, mais là, le troisième album, je l'avais pas écouté du tout jusqu'à une semaine avant le spectacle. J'avais pas accroché. Mais c'était quoi tes coups de cœur du spectacle? Ish. La fois où j'ai évité de me faire casser le nez, c'était déjà pas pire. La fois aussi où je suis tombé, puis en me faisant piétiner, une personne m'a relevé. Donc ça, c'était je les... Je parlais plus des chansons, là. Ah, OK. De ta mort. Ouais, non, ben... écoute, vraiment, je pourrais pas te dire comme ça. Là. C'est sûr que quand le rappel a commencé, il y a eu vraiment toute une vague d'énergie à l'avant, je te dirais. Là, c'était assez intense. Mais non, c'est ça, tu sais, connais les chansons, je connais les refrains, tout ça, les airs, mais même pas leur nom, donc je pourrais pas te dire exactement quelle pièce j'aimais le plus, mais c'est sûr que les bouts où il y avait beaucoup, où il y avait le plus d'énergie, là, puisque ça brassait le plus, c'était ceux qui étaient le plus fun. Cool! T'étais-tu là? Ouais, t'étais là, parce qu'on s'est croisés avant le spectacle, mais oui. Est-ce que t'as aimé Social Distortion? Moi, j'ai pas trippé, j'ai trouvé ça tellement long. C'est ça, hein, le commentaire que tout le monde a dit. Oui, c'est ceux qui ont fait 16 pièces. 16 pièces. Ouais. C'est du punk, là. C'est la seule que le monde a accrochée, c'est celle que le monde connaissait. Puis c'était pas une chanson de Social Distortion, c'était Johnny Cash. Ouais. Fait que non, j'ai pas aimé, j'avais hâte que ça finisse, là. Mais moi, j'en avais profité pendant cette période-là pour aller faire le plein de rafraîchissements. Et le vide. Oui, je pense que c'est là qu'on s'est croisés. On s'est croisés, exactement. Mais c'était tellement long, se déplacer dans la foule, tellement dur, étant donné que c'était quand même dense. Puis c'est quand même incroyable qu'on se soit croisés. Il y avait, je sais pas, genre 200 000 personnes ou je sais pas. Il y avait du monde. Ouais, il y avait vraiment beaucoup de monde, puis on réussit à se croiser là. Mais ouais, c'est ça, c'était tellement dur, se déplacer, puis on se faisait tellement insulter en essayant de se déplacer par des gens qui voulaient pas qu'on passe à côté d'eux. C'était pas évident, mais ouais, j'ai réussi à retrouver finalement mes amis. Je sais pas comment t'as fait. Ça a été dur. Je me serais jamais risqué. Quelle aventure! Yep! Parlant de gens qui veulent pas être à côté de toi, anecdote, moi aussi, tu sais, au cinéma. Tu te rappelles tantôt, j'étais là au cinéma. Oui, anecdote. Hein? Sans qu'il répétait des affaires, on va répéter. Non, mais c'est une autre anecdote. Que je veux pas faire du recyclage d'anecdotes, là. On peut parler de mon accident d'auto encore, t'sais? Non, ça va, ça va. Bon. J'étais aux toilettes. C'est toujours un bon endroit à discuter à la radio. Puis là, je me lave les mains, tu sais. Je m'en vais aux choses pour se sécher les mains. Il y a deux séchoirs à main, tu sais. Fait que là, je me mets là. Le gars en arrière de moi attend que je finisse à la place de prendre celui à côté de moi, tu sais. Puis là, je prends trop de temps pour lui, puis il décide de s'en aller. Fait que à la place de prendre le deuxième séchoir, tu veux tellement pas être proche du monde, t'as un problème, tu sais. Donc là, j'espère que c'était pas un employé du cinéma qui faisait le popcorn, là, puis finalement, il s'était comme pas essuyé les mains. Non? Ah non, ça c'est pas mal, je pense. 95% du monde, on dirait que je croise les toilettes. Je lave pas les mains. C'est des gens qui connaissent pas la règle de quand il y a quelqu'un d'autre, tu te laves les mains. Juste, au moins, donne l'apparence. Juste couler l'eau, puis passe un petit peu les mains. En soi. Toi, tu connais la règle, Mathieu. C'est ça. Parlant de se laver les mains, je suis sûr que les gens de New Pornographers le font parce qu'ils sont propres dans le domaine de la pornographie. Hein? Est-ce que c'est leur nouvel album, Mathieu? Oui, c'est leur nouvel album. Ouais, tout frais arrivé. Ouais, ça date quoi du mois? Ça date de quand même quelques mois. Là. Ouais, on en joue à chaque semaine depuis comme deux mois. Je suis un petit peu déconnecté en fait de tout ce qui s'est passé assez fou dans les derniers mois. Dans la musique, dans la vie en général, je dirais. Là, j'en ai perdu un petit bout. Ouais. C'est triste. Ouais. Mais ça, non, il n'est pas récent. Mais tu sais, ils en ont dedans. Je comprends pas les jeux de mots, les références. Oh, aujourd'hui, là, Mathieu se dépasse. Ouais, c'est ce que je sais, en tout cas. Il essaye depuis tantôt. Je pense que ça fait genre au moins 8-9 qu'il fait. Là. En 2h23. Comme les gens dans les pornos. Ils en tapent plusieurs de suite, sûrement. Pendant 2h23. Je suis sûr. The rest of us run. Tu es en train de me demander qu'est-ce qu'on fait? Oui, qu'est-ce qu'on fait, Mathieu? Je sais pas. Premièrement, on va dire que Kiwan est toujours avec nous. Kiwan qui est animé à Assemblage Requis pour ceux qui seraient tellement pas dans le temps. Dans il y a toujours autant de structures qu'avant ici. Hein? Ouais, ça n'a pas changé, ça ne changera jamais. Ça. Non, c'est toujours vous écoutez Assemblage Requis avec Mathieu. Point. C'est pas de ma faute, on a fait ça avant que tu arrives. Bon. Caroline, es-tu susceptible? Hein? Pas tout le temps. Ça va animer avec moi plus longtemps que ça. On va mettre le bâton là-dedans. J'ai besoin de mon stylo, sinon j'y lancerai. OK. Front. Bon, là, vous allez régler vos petites chicanes en dehors des ondes. Ouais, puis ça, on va continuer, toi, puis moi. Voyons. Je pense pas, en tout cas. C'est le moment de parler de technologie avec une chronique que j'ai préparée tout le monde longtemps. La chronique CNX. CNX, la chronique de la bibliothèque. Et tu me diras, on commence une chronique CNX juste avant l'heure qu'une pub devrait jouer. Ben oui, c'est bon. Go, go, gadget. Et comme on dit à CNX, dehors, c'est pour les autres, hein? Mais on dit aussi, la structure dans une émission, c'est pour les autres radios. Hein? Je pense que tout le monde s'en était rendu compte. Bon. C'est vraiment la promotion de l'enfermement intérieur. Pourquoi sortir quand on est si bien à l'intérieur? C'est vrai, non. Je demandais juste si, ouais. C'est une très bonne... Non, mais, t'sais, toutes les autres chroniques de choses geeks vont toujours dire à la fin, genre, sortez dehors une fois de temps en temps. Non. Ah, mais c'est bien, tu t'assumes quand même. J'aime vraiment. Ça. Ouais. Ah, ben c'est comme je dirais aussi un autre slogan de la chronique CNX pourrait être la chronique de la fierté geek. Ah, c'est bien aussi. Assumez-vous. J'aime ça. Bon. Commençons avec donc des gadgets comme on le fait dans la chronique CNX une fois de temps en temps. Avec un article de Branchez-vous. Mm-hmm. On parle ici d'un extrêmement cool chose qui est un sous-marin, votre propre sous-marin, mais pas un sous-marin comme Stéphanie les connaît si bien. Les fabriques. Ouais, c'est ça. Donc, on voit de temps en temps des projets d'autoconstruction de sous-marins personnels, dit l'article, mais ceux-ci exigent à la fois du talent et beaucoup d'argent. Donc, voici un produit commercial qui, lui, n'exige pas de travail, mais de l'argent, ça oui, par contre. Capable d'accommoder un pilote et un passager, ce sous-marin personnel peut descendre à une profondeur de 1000 pieds, ce qui est environ 330 mètres, et naviguer à une vitesse maximale de 3 nœuds pendant 6 heures environ. Ces 4 moteurs de 3 chevaux vapeur, 2 pour la propulsion, 2 pour l'orientation, sont alimentés par des batteries électriques. Donc, aucun risque de polluer votre plan d'eau favori, disent-ils. Des phares de 150 watts permettent de voir où on s'en va et d'observer les beautés des fonds marins. Tandis qu'un émetteur-récepteur radio VHF, un GPS et toute une panoplie d'instruments de navigation assurent qu'on ne se perdra pas en chemin. Sauf que ça coûte 2 millions de dollars et ça... Ouais, j'ai hâte d'entendre le prix. Là. Je pensais pas que ce serait autant que ça. Mais moi, je trouve que ce qui est pire, c'est qu'il faut que tu sortes dehors. Ouais. Ben non, mais si t'habites près de l'eau, tu peux peut-être te faire un tunnel et sortir direct dans l'eau. C'est sa débrouillardise qui manquait dans cette mission-là. Hein? Ça pourrait même te permettre en fait d'aller de te déplacer, aller plus loin sans jamais voir la lumière du soleil. Ben oui. En dessous de l'eau, tu sais, à une profondeur assez, tu sais, 330 mètres, je pense que t'aurais pas de lumière. Et tu pourrais garder ton teint geek. Merci. Tu trouves que j'ai un beau teint geek? C'est ça. Moi, en tout cas, la seule façon de me faire descendre dans l'eau puis les contrôles, il faudrait que ce soit vraiment comme une manette de tu sais, comme dans Mario quand tu vas dans l'eau, tu sais. Parce que là, ça devient plus facile de... C'est vraiment fait pour... Ils sont tellement bons dans les jeux vidéo pour faire des tableaux d'eau, je trouve, à ce temps, ça... Ben, sinon, ça doit être difficile avec un vrai sous-marin, hein, avec des vraies commandes. T'as pas de joystick, hein, t'as pas de bouton AB. Hein. Ben, peut-être. Peut-être, ah oui, peut-être. Ça pourrait. Peut-être aussi un habit de grenouille que tu peux enfiler pour... Un habit de grenouille, j'adore ça. Je sais pas. Il y avait mal à l'habit de grenouille, par exemple. Ouais, hein, c'était pas super. Pas malade, ça. Ouais, j'avais mieux le tanuki. Le raton laveur. Ouais, pour voler. Ben oui, ouais, tu peux devenir une statue de pierre puis les ennemis te passent au travers. 4 minutes et demie de chronique, on a fait un article à date. Et t'en as combien? Trop. Comme toujours. Comme toujours. La plupart des clés USB peuvent très bien survivre à un cycle de lavage à la machine si on les oublie dans ses pantalons. Dit l'article encore une fois de branchezvous.com. Mais pour les véritables brise-fer, il y a la Extreme Key de Lassie. faite d'un alliage de zinc, d'aluminium, de magnésium et de cuivre, supposément assez dur pour survivre à un passage sous les roues d'un camion de 10 tonnes, qui est un camion de crème glacée, et ça survivrait. Le test. Mais pourquoi ta clé USB passe en dessous d'un camion? Ben, parce que tu livres la crème glacée. Ben, t'sais, surtout que si le concept, c'est de pouvoir l'oublier dans tes poches, t'sais, puis l'envoyer au lavage, comme ça, tu sais qu'elle est super résistante, mais en même temps, elle est assez résistante pour qu'un camion passe dessus. Tu déshabilles jamais dans la rue, toi. Donc, ça voudrait dire qu'il faudrait que tu te sois toi-même fait passer par un camion. Probablement que tu mourrais, mais ta clé dans tes poches serait intacte. C'est un peu ça que ça suggère. C'est à peu près ça. Ouais. Ben, c'est un super bon gadget. Merci. Merci. On dirait que je scrape ta chronique. Non, ça, je suis capable de faire ça bien ça. L'Extreme Key est aussi capable de résister à la pression de l'eau jusqu'à 100 mètres de profondeur. Wow! Il y a des températures allant jusqu'à 200 degrés. Donc, on nous dit ici, le jour où vous voudrez la détruire pour éviter que vos données ne se retrouvent entre les mains d'un méchant, vous allez avoir du pain sur la planche. Quoique la compagnie mentionne aussi que la compagnie peut survivre à une chute de 5 mètres, ce qui, tu sais, là, ça pourrait être un avantage quand même. Suffira de l'échapper de votre balcon si vous habitez au troisième étage. Et là, ça peut être à briser, parce que c'est plus que 5 mètres. C'est disponible en version de 16 gigs jusqu'à 64 gigs, entre 80 et 250 $. Petit gadget bien simple qui, lui, je trouve vraiment bien, ce gadget. Bon, en fait, gadget. Vous allez voir. Petit gadget tout simple qui va faire le bonheur de ceux qui ont du mal à ajuster la hauteur ou la position de leur chaise de travail et de leur... de leur accotoir, tu sais, parce que des fois, à un moment donné, ils disent de tout le temps mettre les bras à 90 degrés puis tes jambes à 90 degrés. Des fois, ça peut être difficile. Donc, le tapis armrested est conçu pour être attaché soit à sa table de travail, soit à sa chaise. Donc, il s'agit d'un tapis de souris sur base dure, assez long pour qu'on puisse confortablement y reposer non pas seulement son poignet, mais son avant-bras au complet. Il y a donc moins de pression appliquée au coude, au poignet, à l'épaule, ce qui est une bénédiction pour ceux qui doivent travailler à l'ordinateur plusieurs heures par jour et qui ensuite retournent à la maison et lisent des sites internet pendant... tard dans la nuit. Ça finit par faire les grosses journées. Ouais, c'est ça. C'est assez exigeant physiquement. Je sais pas comment je vais faire me lever de bonne heure, Kiwan. Comment je vais faire? Ben, c'est surtout comment tu vas faire pour justement rester devant ton ordinateur jusqu'à 1h du matin. Il va falloir couper à quelque part, hein? Je pense que je mangerai pas. Je vais faire une sieste à la place de manger. Bonne idée, parfait. Ouais, puis tu fasses des dodos, là, aussi. Ça se vend 45 $, ce gadget. Okay. Pour revenir au sujet. Faire dodo. Bonne suggestion. OK, donc 7 minutes 30, 3 articles. La moyenne va très, très bien jusqu'à maintenant. Il y a une guitare de jeux vidéo portative par la marque Nexilux. Très bonne idée, cette chose-là. C'est juste un manche, tu sais, pour jouer à des jeux vidéo comme Guitar Hero ou Rock Band, n'importe quoi. Donc, c'est juste le manche avec le zwing-zwing, tu sais, pour faire des effets. Puis les touches. Donc, c'est tout petit, tout pratique, tout facile à rentrer dans un sac. L'idée est très, très bonne. Entre 60 et 70 $, si vous suivez le lien sur assemblagerocky.com, c'est compatible avec la Wii et la PlayStation 3 et PS2. Par contre, pas la Xbox 360. Donc, pour jouer à des jeux vidéo comme Guitar Hero, c'est une bonne idée. Chez vos amis, par exemple. OK, rapidement, qu'est-ce qu'on pourrait choisir? Celui-là, tiens. Non, pas celui-là. Ah oui, OK. Bonne idée. C'est la Nadia Digital Camera, qui n'a pas de visor. Il n'y a pas d'écran LCD à l'arrière pour regarder, dans le fond, ce que tu veux passer en photo, prendre en photo. À la place, tu as un petit écran, tout petit, avec un chiffre dessus. Ça donne une cote d'esthétique. Code d'esthétique. Mais vous me demandez, mais c'est quoi ça? C'est écrit par Andrew Kuprisenin. Hein? Ce que c'est que la caméra vient avec un genre de truc de communication. Ça communique avec un Mac via Bluetooth. Ça utilise un système qui s'appelle le Aquini ou Akin Aesthetic Quality Inference Engine, hein, pour juger le mérite de votre photographie. Donc, ça va analyser comment t'as centré ton objet, comment les couleurs sont, la lumière, si elle est bonne. Et là, ça va juger ça, t'as donné une cote, par exemple, de 26%. Ça te dit que ta photo est bonne ou pas. Mais ouais, c'est quand même subjectif, là. Ça reste l'opinion d'une j'allais dire personne, mais plus d'une machine. D'une organisation, ouais. Parce qu'ils ont déterminé comme étant un algorithme mathématique de... Je sais pas comment c'est fait, mais en tout cas... Puis ça, étant donné que ça communique par les ondes, avec... c'est quoi, faut payer pour le service à chaque mois? Ou... Ça, je sais pas, ça dit pas encore. Je sais pas, bonne question. C'est le Nadia. Allez voir, il y a une petite vidéo de démonstration sur l'article d'assemblagerequis.com. Intriguant. Je vais vous laisser le reste sur assemblagerequis.com aussi. Un truc pour les DJ. C'est des petits boutons qu'on peut coller dans les coins d'un portable ou dans les coins d'une table tournante de vinyle, par exemple, pour insérer des cue points dans des logiciels, donc pour faire des loops de différents instruments qui sont sur le vinyle. C'est vraiment cool. Et puis un truc, je veux dire, qui vous permet d'allumer et de fermer la lumière avec une genre de machine spéciale sur assemblagerequis.com. Allez-y donc. Pourquoi pas? Et puis, on va terminer ça avec une nouvelle qui est sortie hier, que j'ai bien aimée, à l'initiative de Bill Gates, le fondateur de Microsoft, et du financier Warren Buffett. 40 milliardaires américains se sont engagés à léguer plus de la moitié de leur fortune à des œuvres caritatives à leur mort. Et il y a beaucoup de géants des technologies de l'information qui sont associés à ça. Donc, outre Bill Gates, son ancien associé, le cofondateur de Microsoft, Paul Allen, participe à l'opération baptisée Giving Pledge, promesse de don. Il a été le premier à répondre à l'appel le mois dernier. Il serait le 37e homme le plus riche de la planète et pèserait 13,5 milliards de dollars américains, selon Fortune. Il y a aussi John Doerr, qui a contribué à l'élaboration du processeur 8080 de Intel, et d'autres gens qui ont rapport avec la technologie, qui donnent beaucoup, beaucoup, beaucoup de leur argent. C'est comme de quoi que, tu sais, quand t'as une bonne idée, puis à un moment donné, tu fais beaucoup d'argent, mais peut-être que tu peux en donner une bonne partie à des œuvres comme ça, puis à la place de juste garder ça pour toi, puis tes chars, hein? Tes BMW, comme on parlait tantôt. C'est ça. Voilà pour une petite chronique CNX bien simple, comme ça. On va l'entendre de la musique. Qu'est-ce que t'en penses, Stéphanie? Hein? Toi, t'aimes ça, la musique? J'ai entendu dire, c'est ce qu'on m'a dit, que c'était ta supposée spécialité. Ça serait une bonne idée, hein, d'écouter la musique. OK. On va aller écouter The Stills, why not? Why not, Peanut? T'es-tu en train de me passer un doigt dans la face? La 1, Mathieu, la 1. Tu t'avais l'air menaçante, je trouvais. On va aller écouter la 1. On va l'écouter Don't Talk Down. Kiwan, il trouve qu'il n'aime pas ça quand on partage trop des indices comme ça sur ce qui se passe. Non, allez-y, je trouve ça très... pathétique. Très pathétique. Drôle. Drôle. Ouais. Drôle, touchant, pathétique. Ouais, ça va bien ensemble. Mm. Qui est drôle, qui est touchant et qui est pathétique dans nous trois? Ah, ouais. Je serais mieux de ne pas vous laisser répondre à ça. Hein. Les trois ensemble, on dirait que ça me fait penser à l'auberge du chien noir. L'auberge? Ah, c'est qui le chien? Vous écoutez Assemblage requis. happen things on paper. The rumors said that you're very sorry. Oh no, you're not sorry. No, you're not. And so I heard it's no good to run, but it feels so much better now that it's done. And tonight I have to leave it. Yes, tonight I have to leave it. It's tonight I have to leave it. It's tonight I have to. It's tonight I have to leave it. Give love. Give love. Why won't you give love? You give love, give love, give love. I want you give love, give love, give love. It's tonight I have to. Oh, it's tonight I have to leave it. It's tonight I have to. Yes, tonight I have to. It's tonight. Assemblage requis avec Mathieu Plante à C'est fou 89.1. Et aussi avec Stéphanie Gagné. Jean. La phrase fait que ça fait pas, c'est ce que je veux. Tu veux que je laisse un trou dans mes. La prochaine fois, je pourrais juste laisser un trou, puis je pourrais comme rajouter le nom de la personne qui est avec moi. Non, c'est correct, ça va aller. Okay. Wow. Allez, Metal Gruo. J'adore ça, Metal Gruo. J'aime beaucoup ça. Ça c'était moyen, là, mais non, Metal Gruo, c'est vraiment très, très, très, très bon. Et j'ai découvert un nouveau groupe, Mathieu et Stéphanie, récemment. Ben, en fait, je pense pas que ce soit un nouveau groupe, là, c'est juste que, étant donné que j'ai vraiment plus aucune conscience du temps, là, j'ai découvert un groupe qui s'appelle The Man Machine. Ça me faisait un peu penser à Metal Gruo, et c'est vraiment très, très bon. OK. C'est très, très, très, très bon. The Man Machine. Oui, ils vont être pas très loin d'ici en spectacle, le 19 août, je crois. Oui, c'est la fin de semaine, en tout cas du 19 août, il y a un festival que vous connaissez peut-être qui s'appelle le Festival Echo à Saint-Mathieu-du-Parc, à l'Amphithéâtre dans la Nature, qui est un très bel endroit à Saint-Mathieu-du-Parc, juste à l'entrée du parc de la Mauricie. Okay. Il y a vraiment un véritable amphithéâtre dans la nature, c'est taillé dans le roc, donc les bancs sont dans le roc naturel qui est là. Et ça, il va y avoir un festival de musique émergente qui s'appelle Echo. Domaine Machine vont être là. C'est un des très bons groupes là, que j'avais ciblés dans la programmation. Mais il va aussi avoir Antoine Corriveau qui va être là. Et aussi, tandis qu'on parle d'Antoine Corriveau, j'ai comme ça, j'essaie de synthétiser tout plein d'informations. Là, ça va être dur à suivre, qu'est-ce que je veux dire là. Mais Antoine Corriveau fait un spectacle bénéfice le 19 août, je crois. Check sur son... T'as les dates à côté de toi, Mathieu, au pire. Ah, c'était écrit dessus? Sûrement. Oui. Mais non, il va faire un spectacle à l'Appart, ici à Trois-Rivières. C'est le 19 août, OK, à l'Appart, ici à Trois-Rivières. Et c'est pour financer, dans le fond, l'enregistrement de son album qu'il est en train de faire ou qu'il va faire au courant de l'année prochaine. Son premier album complet, là, parce qu'il y a un paquet de EP et de trucs qui sortent par-ci, par-là, mais il n'y a pas encore d'album complet. Ce spectacle-là va servir vraiment à financer la production de son album. Et l'appart, est-ce que vous saviez, l'appart pourrait ne plus exister telle qu'on la connaît? Pas déjà. Mais ça fait quand même longtemps que ça existe en galerie. L'appart, ça fait pas si longtemps qu'on en parle beaucoup parce que dans les derniers mois, il y avait quand même beaucoup d'activités là, et se sont vraiment comme épanouis dans les derniers mois. Mais non, c'est ça, là, je suis allé à la dernière édition des Feux de forêt dans le désert au mois de juillet, le 23 juillet. Et puis Alain, le propriétaire, me dit que ça allait pas super bien à cause du propriétaire de l'immeuble. En tout cas, c'est un gros litige là, avec le propriétaire qui a décidé de vendre et les nouveaux acheteurs qui ne voudraient plus de la galerie L'Appart, voudraient comme les expulser. Et en tout cas, mais Alain est très motivé, il veut continuer à opérer L'Appart, soit ailleurs ou là. En tout cas, c'est un dossier à suivre, je dirais, à Trois-Rivières, parce que c'est vraiment rendu une des plus belles salles pour la musique alternative. Il n'y a pas beaucoup d'autres choix, là. Avec le Charlot qui avait fermé dans ce type de petite salle, L'Appart, c'est vraiment très chouette. Et donc, vous pouvez peut-être compter là, à partir de maintenant les spectacles que vous pourrez aller voir à cet endroit-là, là, parce qu'il n'en reste pas énormément. Je pense qu'il va y avoir Antoine Corriveau le 19. Et je pense que le prochain Feu de forêt est peut-être déjà confirmé à L'Appart. Je ne suis pas sûr, mais en tout cas, bref, c'est triste, mais ça achève pour la version qu'on connaît de L'Appart, mais c'est sûr que ça va continuer. Là. Ça commence justement à pogner, ça commence à être connu, à être reconnu à Trois-Rivières, donc c'est sûr que ça va continuer. Puis si le gars, il y a de la motivation, ça va marcher, ça. Exactement. Puis il y a Wildwood aussi qui s'en vient. Oui, tandis qu'on dit trop d'informations en trop peu de temps, un autre festival qui a lieu un peu dans le même coin que Echo, là, c'est assez bon. Echo, c'est assez Saint-Mathieu-du-Parc, assez Boniface. La fin de semaine prochaine, le Wildwood chez Mike, ça fait à peu près 3 ans que je vais là à chaque année que j'en parle ici à l'émission. C'est vraiment un festival comme il n'en existe aucun sur la planète, je suis sûr. C'est vraiment le sous-thème, le deuxième nom du festival Wildwood chez Mike, c'est le festival de la solidarité musicale. Et c'est vraiment à l'image du festival. Donc c'est un paquet de bands qui jouent pour à peu près rien là-bas. Beaucoup de bands de Shawinigan et des environs aussi de Trois-Rivières. Il va y avoir entre autres Mimi Van Der Glo qui vont être là cette année. Il va y avoir aussi Atomic Baobab, il va y avoir Verlaine, Jardin Mécanique qui est un très bon groupe expérimental qui font genre d'opéra rock alternatif. En tout cas, allez voir la programmation sur Wildwood, myspace.com ou quelque chose du genre. myspace.com/Wildwood. Cherchez Wildwood. W-I-D-E. Ouais, Saint-Boniface. Ça coûte seulement 10$. Ça fait 10 ans que ça coûte 10$. Ça augmente jamais, contrairement au coût de la vie. Donc, le prix dans les salons de bronzage. Le coût de l'essence. Oui. On dit plus. Donc, super de mon festival. En plus, il y a un concours de moustaches. Il y a un concours de fer, aussi un tournoi de fer, concours de moustaches. Ça coûte 10$. Ils vont vous donner un nouveau nom. Ils vont vous rebaptiser. Oh, ouais. C'est vraiment très, très, très sympathique. Comme les Amérindiens? Oui, j'imagine. Castor flambant. Pas comme les scouts. C'est comme un totem. Oui. C'est un peu le même principe, en fait. Ouais. Cool. Mm-hmm. Bon. Nous, c'est la fin de l'émission et donc, tant qu'à dire, beaucoup d'informations en même temps. Je vous rappelle la course de la fibromyalgie qui a lieu en fin de semaine, hein, Stéphanie? Oui. Oui. Ça. Samedi le 7 août. Ouais, au... Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre à dire. C'est Mathieu qui a toutes les informations. Je voulais l'intégrer. Samedi 7 août au parc Lionel Rau à Trois-Rivières. C'est à l'intersection des rues Latreille et Lionel Rau dans le secteur Cap de Madeleine. Donc, allez voir millepattes.ca/fibromyalgie ou encore info-fibro.com. Fibro, c'est avec un i. info-fibro.com pour en savoir plus sur ce qu'est la fibromyalgie et ce qu'est la course de la fibromyalgie. Je l'ai dit trois fois sans me tromper. Fibromyalgie. Pas fibru. Fibromyalgie. Voilà, comme je le disais il y a à peine quelques secondes, c'est la fin de cette édition d'Assemblage Requis. Donc, merci Kiwan d'être passé nous voir. Merci à vous. J'espère que j'ai pas trop bouleversé votre émission en arrivant comme ça. Oui, mais dans le bon sens. Moi. Ouais. C'est fini, on se retrouve la semaine prochaine. Oui, j'espère. Tout à fait. Tu vas être là, je vais être là. Et puis, les requins vont être là aussi. Toujours. Ils sont toujours là. Il nous reste que très peu de temps, là, très peu de semaines à vivre en après-midi. Il nous en reste 4, je crois. Une, deux. Comme que vous savouriez le moment, quatre. Là. C'est ça. Vous savourez vos derniers instants de... Yep. Et voilà. Restez à l'écoute pour La Spirale avec Mathieu Leblanc. Ça s'en vient les jeudis soirs à partir de 18h. Sinon, si vous écoutez les samedis, ce soir, il y a le vestibule à partir de 21h. On se quitte avec la musique d'Antoine Corriveau qui va être, comme tu disais, à Echo. Et à l'appart aussi. Et à l'appart. Non, ça fonctionne plus avec l'appart. Ben dans un appart, si les plafonds sont très hauts, des fois, t'as de l'écho. Chez nous, j'ai de l'écho. Puis j'entends les voisins. Ou si t'as pas beaucoup de meubles aussi, ça peut créer un certain écho. Il faut un minimum de 3 divans pour plus avoir d'écho. Hein? C'est pas ça. Moi, il n'y a pas d'écho chez nous. J'ai 3 divans. Ça marche. Bonne semaine. Bye. Et l'horizon arrivera bien.